إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ما بعد. فحياكم الله عز وجل وبياكم، وما زلنا مع أحكام الصيام، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في آداب الصيام، آداب الصيام، ثم بعده إن شاء الله تعالى مفطرات الصيام. Nous sommes toujours avec Ahkam Siyam, les règles du jeûne. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de Adab Siyam. Yani, comment on doit se comporter et Adab Siyam Hada, et quelles sont yani, certaines règles qu'il ne faudrait pas négliger. Awalim, premièrement, Mekhus Suhur. Suhur. Premièrement, on va parler de ce qu'on appelle, en arabe, on dit Suhur. Suhur. En arabe littéraire, si on dit suhur avec le dhamma, so comme ça, ça veut dire la chose qu'on va manger. Et si on dit sahur comme ça avec feth, ou bien c'est le contraire, si on dit avec feth, sahur, comme ça, sahur, ça veut dire la chose qu'on va manger. Si on dit suhur, si on parle de le suhur lui-même, et qu'est-ce qu'on va faire, à quelle heure, etc. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith sahih, il a dit تسحروا, يعني faites le suhur هذا, يعني levez-vous à un moment donné avant la prière, on va montrer à quelle heure exactement, et mangez ce qu'on appelle le suhur هذا. فإنه بركة, il a dit le suhur هذا, qu'est-ce qu'il a? Il a une baraka. Quand tu manges pendant le suhur, c'est pas quand tu manges le soir ou la midi ou la fois, parce que Allah Azza wa Jal fait descendre dans ce manger qui est spécial, il fait descendre quelque chose qu'on appelle le baraka. Celui qui a écrit le livre ici, il dit, j'ai demandé à Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, est-ce que le suhur est-ce qu'il est obligatoire ou n'est pas obligatoire? Il, à cause du hadith de Anas que je viens de dire, le cheikh a répondu, alayhi rahmatullah, la naqul bil wujub. On ne dit pas qu'il est obligatoire. On ne dit pas qu'il est obligatoire. Wa an Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, an Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli kitab, aklatu sahar. وأكلته أيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith sahih de l'imam muslim, il a dit la différence entre nous et les chrétiens et les juifs aussi, Ahl al-Kitab, c'est que eux, quand ils font le jeûne, quand ils font, la différence entre nous et eux, ils n'ont pas ce qu'on appelle nous suhur. Eux, ils dorment la nuit et le matin ils commencent directement le jeûne. Nous, la différence entre nous et eux, c'est que nous on se lève pour manger ce qu'on appelle suhur et on redort. Voilà la différence entre nous et eux, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadlou, quels sont les mérites du suhur hada? Awalan, an Abdillah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith très important qui est un hadith sahih عند الألباني في صحيح ترغيب ترغيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Ce Allah l'Azim. Le prophète Ali sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges font la prière sur celui qui fait Sourada. Comment il s'appelle Sourada en français? Est-ce qu'il a un nom? Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges font la prière. Vous savez ce que ça veut dire la prière d'Allah? On l'a dit plusieurs fois. La prière des anges, c'est ils lui font des doigts. Sur qui? Sur celui qui se lève là pour manger ce qu'on appelle Sourada. Donc c'est quelque chose de très très important. Quelque chose de très très important. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور وعن صحابي جليل il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم m'a invité une fois pour manger à السحور la nuit. Il m'a dit صلى الله عليه وسلم هلما إلى الغداء المبارك, viens manger le manger مبارك. مبارك يعني الله سبحانه وتعالى descend dans ce manger, il descend la baraka d'Allah subhanahu azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il est dit que il y a un compagnon radiyallahu ta'ala anhu qui a dit, il a dit dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yatasahhar, je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de manger suhur. Il a dit faqal, le prophète alayhi wa sallam alors a dit innaha baraka, suhurada c'est une baraka, a'takumullahu iya, Allah azza wa jal c'est lui qui vous a donné cette baraka, yani le fait de manger maintenant la nuit avant salat al-fajr, fala tada'uh, ne le laissez pas, c'est à dire que quelqu'un qui peut, de préférence il se lève pour faire suhurada, et yani ce n'est pas, s'il le fait pas, s'il ne mange pas, il n'a pas fait de péché, mais s'il le fait, il a beaucoup de mérite et ça suffit comme mérite que Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges font yani, la prière pour toi. Allah azza wa jal te vante comme ça devant ses anges et les anges te font des doigts yani, seulement pour avoir mangé le suhur hada, masha'Allah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui est sahih aussi, il a dit tasaharu, faites ce qu'on appelle suhur, faites-le, walou bi jar'atin min ma, au moins yani, si vous n'avez rien, au moins avec une gorgée d'eau. Il n'y a pas de l'impression, le repas de la nuit. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites le repas de fin de nuit, faites-le pendant le ramadan, au moins yani, si vous n'avez rien, au moins avec une gorgée d'eau. Yani, tu mets un peu d'eau dans un verre, tu dis bismillah et tu mets l'intention dans ton cœur que c'est sahur. Et tu bois ce verre, inshallah ta'ala, tu auras fait le sahur pour celui qui n'a pas, pour celui qui n'a rien. Ensuite, bénédiction, naam. C'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sahur, c'est une bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut montrer que le meilleur sahur, ça veut dire, quand je dis sahur avec fête, ça veut dire la chose qu'on va manger, hein, comme je dis tout à l'heure, quand je dis sahur, ça veut dire, yani, tout ça s'appelle sahur, mais sahur c'est exactement ce que tu vas manger. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ni'ma sahur mu'min, le meilleur sahur du mu'min, c'est quoi? C'est tamr. Naam, c'est tamr. C'est un hadith sahih chez l'Albani, sahih targhib ou tarhib. Celui, par exemple, il y a quelqu'un qui va faire le sahur, il va manger de la viande, il va manger de la shorba, il mange ce qu'il veut. Il y a un autre qui va manger les dattes, celui qui a mangé les dattes, c'est mieux. Celui qui a mangé les dattes, c'est mieux, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ni'ma sahur mu'min tamr. Mais si maintenant de nos jours, par exemple les dattes, c'est sûr que peut-être ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que l'estomac s'est habitué à beaucoup de choses. Si jamais quelqu'un n'avait jamais mangé de viande dans sa vie, ou là, ne mangeait que les dattes par exemple dans sa vie, ça lui aurait suffi. Mais maintenant qu'il s'est habitué à beaucoup de choses, c'est difficile pour lui que, par exemple, de manger des dattes et dormir. C'est pour ça que, au moins, si on peut, on termine par les dattes. Allez, on mange le couscous, ou là, on mange ce qu'il y a, mais par exemple, on termine par des dattes. Ou on commence par des dattes. Allez, si on peut, on fait rentrer les dattes dans le sahur. On les fait rentrer à cause du hadith qui dit que le meilleur sahur du croyant, c'est les dattes. Ou bien sûr, celui qui peut aller seulement des dattes ou avec un peu de lait ou là, c'est sûr que c'est mieux, même question de santé, bien sûr. Quel est son moment, waqtuhu, quel est le moment du suhoor? Maintenant, on parle du suhoor avec dam parce qu'on parle de suhoor, ce qu'on fait, etc. Quand je dis avec A, ça veut dire la chose qu'on va manger. Yabda'u qubayla al-fajr. En principe, il commence avant le fajr. En principe, le suhoor, ce n'est pas à minuit, ce n'est pas à 1h du matin. En principe, c'est juste avant la prière du fajr. Quand je dis en principe, ça veut dire que ce n'est pas interdit. On parle du mieux. Yani le meilleur, son meilleur temps, c'est qu'il soit avant le fajr. Allah Azza wa Jal a dit: Kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min khayt al-aswad min fajr. Allah Azza wa Jal a dit: Buvez, manger jusqu'à ce que vous discerniez entre le fil blanc et le fil noir du fajr. Donc, Allah Azza wa Jal a montré que tu pouvais attendre et tu pouvais manger et boire jusqu'à ce que tu discernes le fil. Pour discerner le fil, ça veut dire que ça y est, c'est l'heure de la prière. Il va appeler à la prière. Donc on peut le retarder jusqu'à ce qu'il appelle à la prière. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إن بلالا يؤذن بالليل. Le compagnon Bilal appelle à la prière du Fajr la nuit. Car il y avait deux. Il y avait Bilal, ensuite il y avait un autre qui appelait. Il a dit, فَكُولُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنْ إِبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. Il a dit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième qui s'appelle Ibn Ummi Maktoum et qui était aveugle, bien sûr. Il a dit, donc vous pouvez manger et boire jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième. نعم قال شيخنا عليه رحمة الله parce que نعم lorsque الله عز وجل a dit كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ici الشيخ عليه رحمة الله a montré que يعني الفجر هذا en principe pour le voir on voit quelque chose de blanc. Et il y a d'autres hadiths qui montrent qu'on voit quelque chose de rouge. Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, veut montrer qu'il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Des fois on voit le blanc, des fois on voit le rouge. Les deux existent. Des fois on voit ceci, des fois on voit cela. Il a dit qu'il n'y a aucune contradiction avec les hadiths qui disent que le fajr commence avec quoi? Commence avec le discernement du fil blanc, comme a dit le Coran, ou bien du fil rouge comme on peut le voir aussi, yani on peut le remarquer nous-mêmes. Il n'y a aucune contradiction entre les deux, car des fois il commence par le blanc et des fois il commence par le rouge. Il a dit ouais, mais ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens par exemple appellent à la prière du Fajr avant son heure. Enfin, avant son heure, yani il fait nuit, c'est plein d'étoiles. C'est plein d'étoiles dans le ciel et déjà il commence à appeler à la prière du matin. Il a dit c'est très malheureux que ce soit comme ça. Et maintenant c'est dans à peu près, dans presque tous les pays arabes. Tous les pays arabes maintenant, quand ils appellent à la prière du Fajr, ils l'appellent peut-être une demi-heure jusqu'à trois quarts d'heure avant la rentrée de l'heure. Avant la vraie rentrée, yani de l'heure du Fajr, avant le discernement du fil blanc, du fil noir. Il a dit, Cheikh Al-Albani, رحمه الله وقد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري. Et j'ai remarqué moi-même plusieurs fois, yani il a dit que je suis allé voir de ma maison. Il est allé avec certains amis, yani ils sont allés voir quand est-ce que vraiment commence le fajr, est-ce qu'on peut discerner le blanc hada ou là on ne peut pas le discerner. Il a dit ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق. نعم. Il a dit quand j'ai vu يعني de mes propres yeux, يعني je me suis souvenu ce que me disaient certains gens qui vraiment يعني étaient jaloux de la religion quand ils me disaient que يعني beaucoup de dans beaucoup de pays, beaucoup de musulmans font la prière du Fajr avant son heure. On a prière du Fajr avant son heure. il a dit bizaman yatarawah bayna al 20 wa 30 daqiqa. Il a dit la font avant l'heure d'une période de 20 à 30 minutes. Non, 20 à 30 minutes, ils la font avant l'heure. Wa katiran ma sami'tu iqamat salat al fajr min ba'd al masajid ma tulu' al fajr sadiq. Il a dit j'ai même des fois yani juste le je remarque que le fajr a commencé, juste je remarque le fil blanc alors que j'entends déjà dans certaines mosquées que la prière va commencer. C'est pas l'appel à la prière. Normalement, quand on voit le fil blanc, il appelle à la prière. Il dit mais par malheur, j'entends plusieurs fois, là j'ai entendu, dès que je vois le fil blanc, c'est la prière qui commence, l'iqama, qatqamat salat, khalas, ils vont faire la prière, qui est bien sûr une erreur. قال وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها في شهر رمضان. نعم الذي ما مبلغ موعد رمضان يفهم بوكو سلا كما سمعت من إذاعة دمشق وأنا تسحر رمضان الماضي. الذي ما يعني دي فوا جيتي en train de faire le sahur, en train de faire sahur, en train de manger, de manger le sahur. Déjà j'entendais يعني à une radio, j'entendais déjà la prière qui allait commencer. Alors que lui, il était tout juste en train de manger, yani sahur. وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي. Et tout cela, la faute c'est à qui? La faute c'est à ceux qui se basent sur les calculs de la météo, etc. Au lieu de se baser sur les calculs que Allah Azza wa Jalla a fait descendre dans le Coran. Comme ça dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah. Allah Azza wa Jalla a dit, buvez, mangez jusqu'à ce que vous voyez le fil blanc. Vous le voyez, n'importe qui, il sort un peu de la ville, il le voit. Ceux-là disent non, on n'a pas besoin de fil blanc ni de fil noir. C'est tariré ces choses-là. Nous, on va compter avec les calculs. La météo, etc. On va te dire aujourd'hui, tu t'arrêtes de manger 6h10, demain 6h11, après demain 6h12, et comme ça, et tu as le calendrier qui est prêt une année à l'avance ou la 10 années à l'avance. Et des fois c'est le même calendrier qui ne change jamais. Il a dit tout ça, bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal savait que il y a ces calendriers à aller venir et ça, mais il a toujours laissé le verset valable. Il a dit Koulou Shrabou, basez-vous sur le fil blanc et le fil noir. Basez-vous sur cela, c'est ça la vraie sunnah. Ensuite il a dit Nam. En ce qui concerne quelqu'un, par exemple, qui doute, qui n'est pas très sûr, est-ce que le fajr a commencé ou n'a pas commencé et il veut manger, etc. Il a dit, celui-là, il peut manger. Tant que quoi? Tant que tu n'as pas la certitude que le fajr est rentré. Ça veut dire que quelqu'un se lève la nuit, il ne sait pas. Il ne sait pas si le fajr a commencé ou n'a pas commencé. Il regarde par la fenêtre. Il voit, c'est toujours un peu noir, mais c'est pas. Celui-là, il dit, tant qu'il n'a pas la certitude que le fajr est rentré, qu'il peut manger, jusqu'à ce qu'il ait la certitude que vraiment le c'est terminé. Sauf s'il a une montre avec lui ou là il a quelqu'un qui demandait ou là. Sinon, il a dit, il peut manger jusqu'à ce qu'il soit sûr. Ensuite, il a dit de ce qu'a dit Cheikh Ibn Hazm al-Rahmatullah, il a dit وَمَنْ أَكَلَ شَكٍ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ شَرِبَ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى مُفْسِدٌ لِصَوْمِهِ إِلَى آخِرِ ذَلِكَ. ثم قال عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا نظر رجلا في الفجر فشك أحدهما فليأكل حتى يتبين لهما. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه a dit si deux personnes regarde dans le fajr, est-ce que c'est le fil blanc, est-ce que c'est le fil noir, on ne sait pas. Ensuite, yani, il a dit, فَشَكَّ أَحَدُهُمَا. L'un d'eux dit par exemple, خَلَا c'est le fajr, on ne peut pas manger. L'autre dit, non ce n'est pas encore le fajr, on peut manger. Il a dit, s'il y a deux qui yani, ne sont pas d'accord, il a dit, فَلْيَأْكُلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَا. Qu'ils mangent les deux ados jusqu'à ce qu'ils soient sûrs. Parce qu'il y a un qui n'est pas sûr. Il faut que tout le monde soit sûr que c'est le fajr. Tant que ce n'est pas sûr, il a dit qu'on peut manger. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, عمر بن الخطاب disait, إذا شك الرجل في الفجر فليأكل حتى يستيقن. Si deux hommes, deux personnes, يعني doutent, est-ce que l'heure est rentrée ou l'heure n'est pas rentrée, il a dit qu'ils mangent jusqu'à ce qu'il soit sûr, jusqu'à ce qu'il soit sûr. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala nous a dit أحل الله الشراب ما شككت يعني في الفجر إلى دي الله عز وجل أفرمي que tu bois de l'eau jusqu'à ce que tu sois sûr. Si tu as des doutes, tu bois jusqu'à ce que tu sois sûr. Quand on dit tu bois, ça veut dire tu manges aussi, bien sûr. Il n'y a pas de différence. وعن واكيع عن مكحول رضي الله تعالى عنه مكحول رضي الله تعالى عنه a dit رأيت ابن عمر j'ai vu Abdullah ibn Omar أخذ دلو من زمزم il a pris un bidon plein d'eau de l'eau de زمزم وقال لي رجلين il a ensuite posé une question à deux hommes أطلع الفجر est-ce que le fajr a commencé un bidon d'eau il a demandé il a dit est-ce que le fajr a commencé il a demandé à deux personnes قال أحدهما قد طلع une des deux personnes lui a répondu نعم le fajr est rentré. وقال الاخر la deuxième a dit non. Alors il a dit ici كشرب ابن عمر. Alors Abdullah ibn Omar a pris le bidon et il a commencé à boire. Puisque vous n'êtes pas sûr, c'est qu'un dit là c'est le fajr. Donc il dit non, donc moi je bois. Il n'y a pas la certitude. Il faut qu'il y ait la certitude pour que je commence à jeûner. Ensuite Faïda, un bénéfice. Il dit هنا إذا سمع النداء عفوا والإناء على يده أو كان يأكل فله أن يستكمل شرابه وأكله ويقضي حاجته منها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه رجل أبو داود هو حديث صحيح. Il y a ici une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit dans un hadith qui est sahih, il a dit, إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ نِدَى si quelqu'un de vous entend l'appel à la prière, c'est-à-dire entend le fajr, en plein ramadan, il entend que c'est l'heure, c'est-à-dire on doit arrêter de manger, c'est le fajr. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فلا والإناء على يده et il a un récipient dans sa main c'est-à-dire il est en train de manger par exemple là il est en train de boire il a dit فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه il a dit qu'il ne le lâche pas mais qu'il continue jusqu'à ce que il se rassouvi ou là, il se rassasie ou là jusqu'à ce qu'il termine. Donc ce hadith qui est sahih montre que quoi montre que quand on est en train de manger ensuite on entend l'adhan on n'arrête pas sauf si bien sûr on ne veut plus manger mais Allah Azza wa Jalla t'a donné une permission tu peux terminer ce que tu étais en train de manger si tu es en train de boire tu entends l'adhan tu termines ta boisson tu ne jettes pas ce que tu as dans la bouche et tu termines jusqu'à ce que tu n'es plus toi. Le Cheikh Al-Albani a dit dans ce hadith en expliquant il a dit il y a un dalil dans ce hadith أن من طلع عليه الفجر في جامع الفجر يعني rentre son heure rentre وإن الطعام أو الشرب على يديه et que quelqu'un a un récipient il est en train de manger en train de boire il a entendu l'adhan de fajr أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه أنه il lui est permis de ne pas poser le récipient et de continuer jusqu'à ce qu'il termine يعني sa chose ou bien sa soif ou la sa faim, jusqu'à ce qu'il la termine. Et bien sûr, si quelqu'un va dire, parce que Allah l'adim, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit dans le Coran, wa kulu wa shrabu, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-asfar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tamma. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, mangez et buvez, jusqu'à ce que vous voyez, vous voyez pas, le blanc du fil noir. Wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. Comment toi tu dis que je ne m'arrête pas? Donc maintenant j'entends l'appel à la prière et je n'arrête pas, je lui répondrai par deux choses. La première des choses, c'est que dans tous les pays arabes, je dirais sans exception, Allahu a'lam, il n'y a aucun pays qui n'appelle à la prière du Fajr en son heure véritable. Tous ils appellent un peu avant, une demi-heure avant, comme a dit Cheikh Al-Albani, jusqu'à 20 minutes, jusqu'à je ne sais plus quand. Alors, premièrement. Deuxièmement, supposons qu'ils appellent à l'heure. Yani, ils voient le fil blanc Et dès qu'il voit le fil blanc, l'autre il monte sur le minaret et commence. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça veut dire en son heure, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans ce cas, dans ce deuxième cas, où il a appris à l'heure, tu as le droit de manger. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal t'a donné une permission. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle istithna. Le verset c'est am et hada c'est khas. Le verset c'est en général pour quelqu'un qui n'a pas mangé ou là, qui a mangé, qui a terminé. Le verset a dit mange et bois jusqu'à ce que tu vois. Dès que tu vois le fil blanc là, ça veut dire que quelqu'un n'a plus le droit de manger. Mais le hadith est venu spécialement pour quelqu'un qui est en train de manger. Celui-là, il est en train de manger. Ensuite, il a entendu l'appel à la prière. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il termine ce qu'il est en train de manger ou là, il termine ce qu'il est en train de boire. Mais par contre, celui qui était par exemple assis sur une chaise ou là, il était en train de dormir ou là, il entend le adhan, celui-là, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est une exception. Celui-là, il va commencer à manger. Commencer à manger, tu ne peux pas. Tu as le verset qui t'interdit. Mais si tu es en train de manger, tu termines. Il y a une différence. Celui qui n'a pas mangé, il peut ne pas manger. Là, il n'a pas goûté. Mais celui qui a commencé, c'est difficile pour s'arrêter. Voilà la différence. C'est comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un dans la mosquée en train d'uriner. Dans la mosquée, en train d'uriner. Subhanallah, dans un coin bien sûr, les sahabas se sont levés, ils ont voulu le frapper. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, da'ouh, la tuzrimouh, da'ouh, da'ouh, laissez-le, la tuzrimouh en arabe, en français, ça veut dire, ne lui coupez pas son urine, ne lui coupez pas son urine, laissez-le uriner. Ici, Ibn Hajr, dans Fath al-Bari, il a montré que, laissez-le uriner, pourquoi? Il a dit, adam imbab, daf'a adam al-mafsadatin, birtikab akhafihima. Ça veut dire que, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de mal. Subhanallah, uriner dans une mosquée, en plein mosquée, dans, à l'intérieur de la mosquée, c'est quelque chose de mal. Mais plus mal, c'est d'arrêter à quelqu'un, de l'arrêter au milieu. Il est en train d'uriner, il s'arrête en plein milieu. C'est plus mal. Et en islam, on éloigne le plus mal en faisant le mal seulement. Tu as deux choses. Quelque chose de très mal, quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le mal, si tu ne peux pas. Il faut que tu fasses une des deux choses. Tu fais le mal, tu ne fais pas le très mal. Non, on te dit par exemple, tu meurs de faim, tu es obligé de manger. On te dit, il y a quoi? Il y a le meïta. Il y a un mouton mort. Hein? Mort, on ne doit pas le manger, c'est haram. Il doit être égorgé. Celui-là, il est mort, on l'a trouvé mort. On te dit, voilà, il y a un mouton mort. Et il y a un âne mort. Qu'est-ce que tu manges? Tu es obligé de manger le mouton. Les deux ne sont pas bien. Les deux, c'est mal, c'est péché. Ça, parce que c'est mort, ça n'a pas été égorgé. Mais tu choisis toujours en islam le moins mal. Le moins mal, c'est quoi? C'est le mouton, parce que le mouton, il est permis d'être mangé. Mais l'âne n'est pas permis d'être mangé. C'est la même chose ici. Il choisit le mouton. Entre un âne et un sanglier, il choisit l'âne, il mange l'âne, il ne mange pas le sanglier. Et comme ça, toujours on choisit le moins mal. Ici, je voulais dire que il lui a dit, laissez-le terminer froid parce que c'est très difficile. Ça, ce qu'il a fait, c'est pas bien dans une mosquée, mais c'est plus grave, c'est lorsqu'on l'arrête en plein milieu en train d'uriner, c'est difficile, il a laissé terminer. Moi-même, je voulais dire ici que celui qui est en train de manger et qu'il entend l'appel, il peut terminer. Mais à condition, bien sûr, que quoi? C'est pas il commence à manger, ça veut dire qu'il était en train déjà de manger, premièrement, et deuxièmement, il continue de manger dans les normes. Ça ne veut pas dire il va profiter pour tout manger. Ah, il termine l'assiette, ensuite il dit, ajoutez-moi les fruits, ajoutez-moi les jus, ajoutez-moi hammahlou, va aller faire sakhnou hammahlou, ajoutez-moi tcharek ou le bourek. Non, il ne dit pas cela, il termine seulement l'assiette. Ou là, s'il a un verre d'eau, il termine, il essuie sa bouche, il dit Alhamdulillah, yani Allah Azza wa Jal m'a donné cette permission. C'est pour ça que, de là, vous comprenez que certains pays qui ont ajouté un troisième adhan, il s'appelle l'imsek. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'appel 20 minutes ou une demi-heure avant quoi? Avant le premier. Ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qu'on appelle l'imsak, ensuite le deuxième du normal, ensuite le troisième du fajr. Parce que normalement, sans Ramadan, il y a deux adhan. Le premier, c'est pour te préparer, c'est tout. Celui qui a une janaba, il va se laver, il se prépare. Et le deuxième, c'est pour faire la prière. Maintenant, en islam, c'est quand tu entends le premier, tu peux toujours manger. Ça veut dire, tu te prépares que, attention, dans 20 minutes, il y a le deuxième, tu dois pas arrêter de manger. Mais maintenant, ils ont ajouté un troisième qui est avant, une demi-heure avant le premier. Et il l'appelle imsak, il te dit, pour prendre tes précautions. Alors, certains gens et beaucoup se basent sur le premier adhan qu'ils ont ajouté. Ça veut dire, 20 minutes avant le premier adhan, ils s'arrêtent. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire, ils s'arrêtent à peu près une heure et demie avant le vrai, celui de la prière. Tout ça, comme dit Ibn Hajr et les autres, ils disent, c'est une bid'a, c'est une grande bid'a. C'est pour ça que je vois de temps en temps certains calendriers qui sont prêts pour le Ramadan. Tu l'achètes ou là on te le donne. Subhanallah l'adim, qu'est-ce que c'est écrit sur ce calendrier? C'est écrit imsak. Il te dit imsak, par exemple, 3h20. Fajr, 3h, par exemple, 50. Imsak, d'où tu l'as eu? Il n'y a pas d'imsak en islam. L'imsak en islam, c'est le fajr. Koulou wa shrabou hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle imsak qui vient avant. Il n'y a pas. Quand tu entends l'appel à la prière, le deuxième, celui de la prière, tu arrêtes de manger. Il n'y a pas autre chose qui est avant. Eux, ils ont dit, on fait ça avant pour ne pas ceci, cela, pour être sûr, pour ça. Tout ça, c'est l'ouest du shaitan. C'est l'ouest qui te fait ça. Allah m'a permis que je mange jusqu'à ce que j'entende, quoi? J'entende l'appel. Et encore, si je suis en train de manger et j'entends, je termine. Alors toi, tu vas me dire, une heure avant, il faut s'arrêter. Tout ça, ce n'est pas vrai, bien sûr. C'est à cause du djel, d'ignorance des gens. Istihbab ou ta'khiré. Il y en a qu'il est préférable. Maintenant, on va parler qu'il est préférable de, en ce qui concerne sahur hada, sahur, il est préférable de le laisser vers la fin. An Anas, radiyallahu ta'ala anhu, an Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, قال, tasaharna. Quelqu'un dit tasaharna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma qama ila salat. Quelqu'un dit j'ai mangé le sahur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour faire la salat. Il a dit, l'autre a posé la question, qultu kam kana bayna al-adhan wa as-sahur, combien il y avait entre le sahur, le fait que vous ayez mangé, et entre l'adhan, combien il y avait de temps? Qala qadra 50 aya. Il a dit, le temps que tu lises 50 versets. Le temps que tu lis, ça veut dire à peu près 2 pages du Coran. Voilà. Yannick, en principe, pour celui qui peut, il laisse le sahur, je ne parle pas du manger, il laisse le sahur jusqu'à ce qu'il reste juste un peu avant l'appel de la prière. Par exemple, 20 minutes, une demi-heure, c'est tout. Encore 20 minutes, c'est beaucoup, mais puisque nous on mange beaucoup, ça ne nous suffit pas une demi-heure. Donc il laisse à peu près une demi-heure, ensuite il mange et il attend un peu, c'est la prière. En principe c'est comme ça. Plus tu le laisses vers la fin, plus c'est mieux, plus c'est la sunna, et plus ça te permet de ne pas avoir faim pendant le jour, etc. Donc ceux qui font le suhur, ceux qui le font à minuit, à 1h du matin, tout cela bien sûr, c'est valable, je ne dis pas que ce n'est pas valable, mais ce n'est pas la sunna. Ce n'est pas la sunna à minuit, à 1h du matin, suhur. Suhur, la sunna, c'est quand il reste une demi-heure, ou là, trois quarts d'heure, ou là, avant la prière. Mais ce n'est pas au milieu de la nuit. Ce n'est pas au milieu de la nuit. Maintenant, هل يفطر إذا أكل أو شرب أو جمع ظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر. Quand quelqu'un croit, il croit que, par exemple, c'est pas encore le fajr, il va manger, ou bien boire, ou bien faire le rapport avec sa femme. Ou bien, il croit que le soleil s'est déjà couché. Il va manger, boire ou faire autre chose. Maintenant, pour quelqu'un qui s'est trompé. Il a dit ici, من أكل أو شرب أو جمع ظن غروب الشمس, quiconque a mangé, bu ou a fait un rapport croyant que le soleil a déjà descendu et déjà descendu au Adam Tolo al Fajr, ou bien il a cru que on est en pleine nuit, le Fajr ne s'est pas encore levé. Ensuite, Zahar ala khilaf dalik, ensuite il a vu que c'était le contraire, c'est pas comme il a cru, il a dit فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمُ فَإِنَّ هَذَا لَا يُفْسِدُ صَوْمُ. Ce qu'il a fait n'annule pas son siyam. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ. Et c'est pas la peine qu'il fasse la kafara 60 jours, rattraper 60 jours, et ce n'est pas la peine qu'il fasse le qada, c'est pas la peine qu'il rattrape le jour. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنَّا نَسِينَا وَأَخْطَأْنَا. Allah Azza wa Jal, yani, ne nous fait rien si on oublie ou bien on se trompe. Et il a dit aussi dans le Coran, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Vous n'avez pas de péché pour des choses où vous vous êtes trompé. ولكن ما تعمدت قلوبكم. Mais les péchés, c'est quand vous le faites exprès, yani vous avez l'intention dans vos cœurs et vous le faites exprès. Mais quand quelqu'un se trompe, celui-là, c'est pas la peine de faire ni la kfara ni le qada. Ensuite, il a parlé aussi de quelqu'un qui oublie et il fait le rapport avec sa femme. Il oublie et il fait le rapport avec sa femme. Cheikh Al-Albani a dit, bien sûr, celui-là, il n'a ni kafara ni rien. Il a dit quoique, c'est un peu difficile de dire oublie ici parce qu'ils sont deux. Si lui, il oublie, elle n'oublie pas. Si elle oublie, lui, il n'oublie pas. Ensuite, le rapport, c'est pas quelque chose d'une seconde, ça dure un peu. Il a dit, je ne vois pas comment, par exemple, ils peuvent oublier. Mais s'ils oublient, ils n'ont rien. Mais ce qui est mieux que l'oubli, c'est quoi? C'est qu'ils se trompent. Ils croient que on est en pleine nuit, alors qu'il est 6 heures du matin. Ensuite, ils font la chose. Ensuite, ils trouvent que quelqu'un voit la montre, ils trouvent qu'il est 6 heures du matin. Ceux-là, ils n'ont rien. Ils n'ont ni péché, ni kafara, ni qada. Pourquoi? Toujours comme j'ai dit, parce que ils n'ont pas fait sciemment. Ils n'ont pas dit, il est 6 heures du matin, on va faire cette chose. Mais ils l'ont fait, croyant que c'était la nuit. Donc, quiconque se trompe, Allah Azza wa Jal ne châtie jamais quelqu'un qui ne fait pas quelque chose exprès. Allah Azza wa Jal donne les péchés à celui qui sait que c'est le moment de ne pas faire cette chose et il va la faire exprès et sciemment. Ensuite, là il a donné beaucoup de détails en ce qui concerne cette question pour montrer que, Inch'Allah Ta'ala, pour montrer que il n'a rien. Yani, il n'a ni péché ni rien. Déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont mangé, summa talat shams. Ils ont mangé comme au temps de Esma. Ensuite il y avait quoi? Il y avait des nuages. Dès que les nuages se sont dissipés, ils ont trouvé que c'était en plein jour. Parce que quand il y a les nuages, on ne peut pas savoir s'il y a le soleil ou il n'y a pas le soleil. Cela, quand ils ont mangé, ils ont cru que lorsque le soleil s'était couché. Ensuite, dès que les nuages sont partis, ils ont trouvé que le soleil était toujours là, en plein ciel. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit de refaire le jour. Ensuite, de la sunna aussi, qu'est-ce qui est sunna? C'est que ta'jil al-fitr. C'est que quand le soleil s'est couché, et on a entendu, maintenant on peut pas voir le soleil quand il se couche, quand on habite dans une ville. Mais quand on entend l'appel de la salat du Maghreb, ça veut dire que le jour est terminé. Dans ce cas, la sunna c'est quoi? La sunna c'est de manger le plus vite possible et de ne pas retarder. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يزال الناس بخير مع جل الفطر. Les gens sont toujours dans le bien, tant qu'ils n'attardent pas le manger. Tant que, dès qu'ils entendent l'appel à la prière, par exemple, ils commencent à manger. Ils ne laissent pas, il y a comme les chiites, par exemple, qu'est-ce qu'ils font les chiites? Ils ne mangent pas jusqu'à ce que les étoiles sortent la nuit. Le chiite, quand il fait le siyam, pour lui, dans son din à lui, le fodil, il est interdit de manger. Tu ne manges pas jusqu'à ce que tu vois les étoiles, jusqu'à ce qu'il fasse noir à 100%. Ça veut dire juste à peu près jusqu'au Isha ou plus. Ils croient qu'ils font du bien, bien sûr, Pourquoi? Ils ne savent pas qu'ils sont en train de suivre le shaitan et de ne pas suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith sahih, il a dit La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitariha an-nujum. C'est comme s'il savait, subhanallah, c'est comme s'il savait qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas vouloir manger quand ils entendent l'appel à la prière du Maghreb. Ils vont laisser jusqu'aux étoiles. Comme ils savaient que les rawafid allaient venir. C'est pour ça qu'il a dit, l'atazal ummati, yani ma nation sera toujours yani avec ma sunna, tant qu'il ne laisse pas le manger jusqu'à l'apparition des étoiles. Naam. C'est comme s'il parlait des chiites. Les chiites disent qu'il est interdit de manger jusqu'à l'apparition des étoiles. La hawla wa la quwwata illa billah. Et le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Ma nation est toujours en train de suivre ma sunna tant que ils n'attendent pas l'apparition des étoiles. Ça veut dire que celui qui attend l'apparition des étoiles n'est pas sur la sunna. Car le hadith a dit, vous êtes toujours dans ma sunna tant que ceci, cela. Ça veut dire que celui qui attend l'apparition des étoiles pour manger, celui-là, il n'est pas dans la sunna. Même s'il dit je suis de la sunna, et il dit je suis Ahl Bayt, je suis de la famille du prophète. Tu n'es ni de sa famille, ni de la sunna. Et si tu étais de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne te servirait à rien si tu es à l'encontre de la sunna. À quoi ça va servir que tu sois de sa famille, que tu sois son fils, ou que tu sois son père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu es contre la sunna? Ça ne te sert à rien. C'est pas avec la famille que tu vas rentrer au paradis, mais c'est avec tes actions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu étais son fils, tu ne faisais pas la prière, yom al-qiyama, il se désengagerait de toi. Comme il a dit, Wallahi, law anna Fatima bint Muhammad saraqat la qata'tu yada. Wallahi, si ma fille Fatima volait, je lui couperais la main. C'est pas parce que c'est ma fille, ça veut dire que, classe, elle peut voler, elle va aller au paradis. Si elle vole, je lui coupe la main, et demain elle va avoir beaucoup de problèmes lorsqu'elle rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a personne qui, avec sa famille, il va dire, je suis de la famille de X. Je suis de la famille du Wali X ou là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de la famille ici. Tu fais ce que Allah azza wa jalla a dit, même si tu n'es pas de la famille du prophète, tu seras parmi les meilleurs demain au paradis. Et le contraire, si tu ne fais pas ce que Allah azza wa jalla aime, mais tu fais le contraire, tu seras en enfer, même si tu es de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, il a dit, naam, dans un autre hadith pour montrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui retarde, qu'est-ce qu'il a dit? La yazalu ad-dinu zahiran, subhanallah al-azim, hatta ma'ajjala an-nas al-fitra. Le din, il a dit, cet islam restera toujours yani comme ça yani visible, et sera lui yani le triomphant, yani cet islam, ce din restera toujours comme ça yani fort, solide, etc. À condition de quoi? Ma'ajjala an-nas al-fitra, à condition que les gens ne retardent pas à le manger le soir quand ils font karam. Et pourquoi? Parce que les juifs et les chrétiens retardent. Les juifs et les chrétiens, le juif quand il fait le samedi, le chrétien quand il fait le dimanche, par exemple il fait le jeûne ou là je sais pas quoi, il ne mange pas dès que le soleil se couche, mais il laisse jusqu'à la nuit. Donc on a trois groupes qui retardent. On a les juifs, les chrétiens et les chiites, les rawafites. Les trois hadous, ils sont à peu près dans la même casserole. Là, les trois, ils retardent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui les regroupent. Ce qui les regroupe, c'est quoi? C'est être contre yani, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les trois sont contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il faut manger. C'est pour ça que même si quelqu'un, par exemple, a entendu, il a dit, par exemple, la mosquée c'est loin, je vais faire la prière à la mosquée, au moins qu'il mange avant de partir quelque chose, une date. Au moins qu'il mette un peu d'eau dans sa bouche. Pourquoi? Pour faire la différence entre lui et les chrétiens et les juifs et les rawafites. Au moins il fait une différence entre eux, et au moins il essaie d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne laisse pas, il ne retarde pas. Yani, comme on dit, nous en arabe on dit, il casse le ramadan. En principe on ne peut pas dire casser le ramadan. Tu casses le ramadan, comment tu le casses? Le ramadan ne se casse pas. Le ramadan c'est quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné, quelque chose d'un fadl, quelque chose de azim. Nous on dit non, on le casse. Nous on aime frapper et casser et tuer les gens. Même ramadan on le casse si on peut. Non, nous on ne casse pas. Non, on rompt le jeûne. Ça. Maintenant, même si on entend l'appel à la prière ou là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rompre le jeûne, même si ce n'est au moins avec une gorgée d'eau. Si on n'a rien. On n'a rien à manger, une gorgée d'eau, quand on va à la mosquée. Allama yuftir, il a dit ici, Allama yuftir. Avec quoi? Il est préférable de rompre le jeûne. Avec quoi? Yasunnu wa yusannu aydan an yuftira ala rutubat qabla salat al-maghrib. Yani de préférence, si quelqu'un peut, il commence par certaines dates. C'est pas les dates qu'on achète nous ici. Il y a des dates spéciales, ça s'appelle rutaba. Je sais pas s'il y a chez vous, mais ici c'est plein. Rutaba, elles sont comme ça, comme des boules. Hein, ressemblent, elles sont comme ça rondes. Elles sont jaunes, très jaunes. Et très, yani, presque il y a de l'eau à l'intérieur. Dès que tu la mets dans la bouche, yani, c'est comme de l'eau qui commence à couler. Ça s'appelle rotab. Ça existe beaucoup en Arabie Saoudite, ici, etc. Ça existe beaucoup. Il a dit de préférence, on commence par manger rotab. C'est une même yajid. S'il n'y a pas, on mange les dattes. La différence entre la date, elle est un peu marron. Elle est yani, difficile à mettre dans la bouche. Elle est assez dure. L'autre, elle est jaune. Elle est jaune, très jaune. Même un peu orange. Et elle est ronde et elle est comme yani, plein d'eau à l'intérieur, plein de jus. Donc il a dit de préférence on commence par un rotab. Si on n'a pas rotab, qu'est-ce qu'on mange? Il a dit on mange les dattes. S'il n'y a pas de dattes, qu'est-ce qu'on mange? On boit de l'eau. An Anas radiallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuftir ala rotabat. Il commençait par rotab, rotabat. Qala qabla an yusalli, avant de faire la prière. فإن لم تكن رطبات s'il n'y avait pas de rotab هذا فعلى تمرات, donc il mangeait des dattes. فإن لم تكن, s'il n'y a ni dattes ni rotabat, qu'est-ce qu'il mangeait? قال فإن لم تكن حس حسوات من ما, sinon il mettait comme ça sa main et il buvait quelques gorgées d'eau. Il buvait quelques gorgées d'eau. Donc nous toujours, si on peut, on commence par un rotab. S'il n'y a pas, on va aux dattes. S'il n'y a pas les dattes, on commence avec un peu d'eau. الدعاء عند الفطر, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il va commencer à manger? Qu'est-ce qu'il dit? Dua, de préférence il dit, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. Ce hadith qui est sahih bien sûr, faut essayer de l'apprendre. Ce dua, c'est un dua. Il dit comme ça, avant de manger, avant de mettre la chose dans ta bouche, tu dis Zahaba Dhamma. Dhamma c'est la soif. Alhamdulillah, la soif est partie. Zahaba Dhamma. Ou ptillat l'uruq. Maintenant, l'uruq, yani, à l'intérieur de nous, les nerfs, etc. Quand on va boire, ou là on va manger, elles vont, yani, alhamdulillah, elles vont, yani, revenir à leur place, etc. Surtout lorsqu'on boit un peu d'eau, c'est comme, yani, une terre qui est sèche, tu lui jettes un peu d'eau. Yani, elle commence à boire cette eau. Même ce qui est en nous a besoin bien sûr d'eau et de manger maintenant. Ça il dit dhahaba dhama, la sécheresse, pardon, la soif est partie. Ou btallat al-uruq, les veines, c'est ce que je cherchais. Les veines maintenant inchallah vont se mouiller. Wa thabata al-ajru inshallah. Et le ajr, la récompense restera inshallah et sera, yani, je la trouverai inshallah ta'ala demain. C'est pour ça qu'il faut savoir que c'est va'if, c'est faible. Le doua que disent certains gens, ils disent Allahumma laka somto, c'est pas ça, à peu près quelque chose comme ça, laka somto, qui va chercher le doua bashir, laka somto, Allahumma laka somto ala rizqika aftart, non, dhahaba dhama ubtil al-uruq thabata al-ajr. Le début du hadith, il est faible. Le début du hadith, comme a dit le Cheikh Al-Albani et les autres, il est faible. Le hadith qui dit, son début qui dit, اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظما ensuite la suite. Bon, le début il est faible. On commence directement par ذهب الظما. On ne dit pas le début parce que il n'y a pas un hadith sahih qui dit cela. Maintenant, inshallah ta'ala, je préfère m'arrêter ici, sinon je vais rentrer dans d'autres choses. Je vais rentrer dans qu'est-ce qui est permis à celui qui fait le jeûne de faire. Il y a des choses qui sont permises et plusieurs gens ne savent pas. Ils croient que c'est interdit de faire ces choses-là en Ramadan. Et le contraire, il y a des choses qui ne sont pas permises et certains gens croient que c'est permis de les faire. C'est pour ça que ces choses-là, inshallah ta'ala, on va et voir bi'idna subhanahu wa ta'ala la prochaine fois. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru li wa lakum subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nestaqi inshallah ta'ala ba'd 10 daqa'iq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نعم. أما بعد. Donc on commence Allah Ta'ala par les questions. On va commencer inshallah par Qasi Salaf. Avant cela, j'oublierai pas quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, cette nuit, ils disent que c'est la nuit de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isra ul Mi'raj. Ils ont dit que c'est aujourd'hui, comme aujourd'hui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra ul Mi'raj. Le plus important, yani, qu'il l'ait fait aujourd'hui ou pas aujourd'hui, le plus important, c'est que vous sachiez qu'il n'y a rien comme sunnah en cette nuit. Il n'y a rien comme sunnah en cette nuit. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Pas comme les gens qui aujourd'hui vont, certains ont jeûné. D'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ils vont se lever la nuit, ils vont faire la prière, tahajjud. Ils vont dire, voilà, on va faire la prière aujourd'hui, c'est bien. Comme tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, quand on a terminé Salat al-Isha ici, il m'a dit, pourquoi vous allez fermer la mosquée, vous n'allez pas la laisser, on va faire la prière la nuit ici. Je lui ai dit que c'est une bida. Il n'y a pas de prière aujourd'hui. Aujourd'hui, si c'est vrai que c'est aujourd'hui, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra al-Mi'raj, c'est tout. Mais quand il est descendu, il n'a pas dit où il est bien de faire la prière, ou là de jeûner, ou là de donner l'argent aujourd'hui, ou là de faire manger les pauvres, ou là, tout cela, c'est des bida. Donc si certaines familles, comme aujourd'hui par exemple, elles font un repas spécial. Elles font des poules, elles font de ce qu'on appelle, là j'ai oublié comment ça s'appelle, on fait rishta, on fait... Enfin, tout ça bien sûr, ça rentre dans la bida. Pourquoi? Parce que il n'y a rien aujourd'hui. S'il y avait quelque chose, Allah l'aurait mis dans son Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit, faites comme aujourd'hui ceci et cela. Puisqu'il n'a rien dit, c'est-à-dire que celui qui fait, il rentre dans la bida. Tafaddal akhi Qasi Salaf, tafaddal. Iftah inshallah al-majal, tafaddal. Qasi Salaf, si tu es là, écris numéro 1. Pour que je sache que tu es là, tu n'es pas à la mosquée ou là. Écris numéro 1, je sais que tu es là. Maintenant, j'ai des doutes, peut-être qu'il n'est pas là. Il ne doit pas être là. Salam alaykum, quand on prie Tarawih à la mosquée et que l'on fait avec Salat al-Witr, peut-on rentrer chez soi? Ta question n'est pas bien comprise. Quand on prie Tarawih à la mosquée et que l'on fait avec Salat al-Witr, Naam, peut-on rentrer chez soi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire on rentre chez soi? Si on rentre pas chez soi, où est-ce qu'on va? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire, Wallah. Alors je profite ici pour poser une question. Quelqu'un a dit et se réveiller pour la prière de nuit. Combien peut-on prier de rak'at? Naam. Je te réponds à la deuxième question. Et si on se réveille pour faire la prière de nuit, combien peut-on prier de rak'at? En ce qui concerne quelqu'un qui a fait la prière avec l'imam, qui a fait Tarawih, celui-là, c'est pas la peine qu'il fasse encore la nuit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait plus de 13 rak'as. N'a jamais fait plus de 13 rak'as, comme a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans le Bukhari et les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, n'a jamais fait plus de 13 rak'as la nuit. Alors maintenant, si tu fais avec l'imam 13 rak'as, voilà, tu vas chez toi, tu dors, et tu te prépares, inshallah ta'ala, pourquoi? Tu te prépares pour la salat du sobh. Tu te prépares pour la salat du sobh, inshallah ta'ala. J'ai une question urgente, frère. Hadar, tafadal, tafadal. Le temps, sa femme est enceinte de moi une semaine. Naam, le temps que tu écrives ta question, il y a quelqu'un qui dit salam alaikum. Faut-il respecter le fait de faire des enfants tous les deux ans comme la sunna le veut? Faut-il respecter le fait de faire des enfants tous les deux ans comme la sunna le veut? Ou le jawab, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne connais pas dans la sunna quelque chose qui dit que tu fais les enfants tous les deux ans. Ça, je ne vois pas où est ce hadith qui dit cela. Je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimerait qu'on ait beaucoup d'enfants. Il aimerait qu'on ait beaucoup d'enfants tant que l'on peut, tant que la femme n'est pas malade, tant que ça la rend pas malade, etc. On profite pour avoir beaucoup d'enfants. Comme a dit une ourte, ce sont les gens de la Ummah qui va venir. Donc, de préférence, on essaie d'avoir beaucoup plus d'enfants au maximum. Maintenant, il n'est pas interdit en islam de faire ce qu'on appelle tandem, de faire tandem. Ça veut dire, je dis, j'attends que celui-là, par exemple, grandisse un peu, j'attends que celui-là, par exemple, ça s'appelle tandem. Tu notes donc, tu fais tandem, cela c'est permis en islam, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de couper pour la vie. C'est de couper pour la vie, c'est-à-dire que la femme, qu'elle mette quelque chose là pour qu'il n'y ait plus d'enfants. Ça c'est interdit en islam, surtout si elle le fait sans raison. Maintenant, si elle le fait parce qu'elle est malade, c'est des médecins, etc., c'est valable. Mais si elle fait sans raison comme ça, elle a peur de la pauvreté, ou là, elle a peur des enfants, ou là, je ne sais pas, ça, ce n'est pas interdit. Là, c'est interdit en islam. On revient à notre frère, sa femme est enceinte de 2 mois et 1 semaine. Les médecins lui ont dit que c'est sûr, il sera handicapé. Est-ce que sa femme peut avorter? Barakallahu fikoum. 2 mois et 1 semaine, les médecins lui ont dit que c'est sûr. Non. À cette question à peu près, répond Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Je vous donne la règle. La règle, elle est très simple. Il suffit seulement de la prendre. Il suffit de la prendre. Le bébé dans le ventre de la femme, il se divise en 3 grandes étapes. La première étape, du premier jour au 40e jour. La première étape, du premier jour au 40e jour. Dans cette étape, il est interdit d'avorter le bébé sauf les hajjas, sauf en cas de besoin. La première étape, 1 à 40 jours, il est interdit, mais on le fait dans un besoin. Ensuite, du 40e jour au 4e mois. Du 40e jour au 4e mois. Comme c'est le deuxième cas où c'est la question du frère ici. Du 40e jour au 4e mois. Ici, il est interdit de le faire descendre que dans une obligation. Yani darura, la première. C'est pas ce que j'ai dit la première en français. La première, je voulais dire haja, un besoin. Ici, c'est une obligation. C'est tout. Yani, s'il n'y a pas d'obligation, jamais on le fait avorter entre le 40e jour et le 4e mois. Maintenant, s'il dépasse le 4e mois, il est interdit, dans tous les cas, de le faire avorter après le 4e mois, même si la mère doit mourir. Sa mère doit mourir, elle meurt, on ne fait pas descendre le bébé. Sauf si on le fait descendre, yani avec avec la certitude qu'il va vivre. Avec la certitude qu'il va descendre vivant, il va vivre. Mais après le 4e mois, ça veut dire, khalas, c'est une personne comme nous, après le 4e mois. Il a tout comme nous, khalas. Il est formé, il a tout. Ça veut dire que si on le fait descendre comme ça, il va mourir, on a tué quelqu'un. C'est comme si on a tué quelqu'un qui était là avec nous, etc., sans raison. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, même si sa mère doit mourir, elle n'a pas l'avantage sur lui. Pourquoi? C'est lui qui meurt et ce n'est pas elle. Elle n'a pas d'avantage. Lui aussi doit vivre comme elle, elle doit vivre. Donc elle doit le garder dans son ventre, sauf si elle sait qu'il doit descendre vivant. Maintenant, on est dans le deuxième cas ici, entre quoi? Entre le 40e jour et le 4e mois, parce qu'il a dit à la 2 mois. À cette femme, on dit que rien n'est sûr qu'il va être handicapé. C'est comme ça, on dit peut-être il va être handicapé 70%, 80%, etc. Mais ce n'est pas sûr à 100%, et ce n'est pas sûr qu'il ne va pas guérir, et ce n'est pas sûr, yani, qu'ils n'ont pas d'ilm al-ghaib. Ils savent à peu près, mais je ne sais pas s'il y a une fatwa qui dit que dans ce cas, on peut l'avorter pour qu'il meure. Parce que Ibn Uthaymin a dit, dans ce cas, on ne le fait descendre, on ne le fait avorter que pour une obligation, pour que ça soit obligé. Maintenant, si sa mère sent qu'elle va mourir, ou là, sa mère a des choses graves, beaucoup de difficultés, ça, elle est dans l'obligation. Ça, c'est à cause de l'obligation. Mais c'est pas à cause de il est handicapé. Handicapé, ça, c'est autre chose. Si Allah Azza wa Jalla le veut handicapé, qu'il vive handicapé. Pourquoi il n'a pas le droit de vivre avec une bosse dans le dos, ou là, pas de yeux, ou là, pourquoi? Yani, il vit, c'est mieux qu'il ne vit pas. Il a le droit de vivre. Mais si elle veut avorter, si à cause de l'obligation et pas à cause de l'handicap. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mes questions, tafadhal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Zinjabila et l'autre, préparez vos questions. Une sœur demande, quels sont les droits et devoirs de la femme dans la religion vis-à-vis de sa belle-famille, la belle-mère en particulier, quand les relations ne sont pas bonnes, belle-mère injuste, etc. Car on ne lit jamais rien au sujet de cela dans la religion, et cela est un problème très répandu. Naam. C'est pour ça que je dis que quiconque peut vivre avec sa femme loin de sa mère, c'est mieux. Loin de sa mère, c'est mieux. Même les ulama ont dit, bien sûr, Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas accepté cela, mais c'est pour vous dire qu'ils l'ont déjà dit. Ils ont dit que quand il choisit une femme, ils ont dit de préférence, il choisit une femme qui n'a pas de mère. Pourquoi? Ils ont dit parce que la mère qui a une femme, dès qu'il y a un problème, sa mère va la charger. Dès que tu as un problème avec ta femme, si elle va chez sa mère, elle va la remplir, elle va venir, yani, toute une autre. Maintenant, l'homme, c'est la même chose. Dès qu'il a sa femme a des problèmes avec lui, il va chez sa mère, il revient, c'est un autre. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, bien sûr, ça ce n'est pas vrai. Yani, comment une femme, maintenant je ne vais pas marier avec une femme à cause de sa mère, il faut qu'elle n'ait pas de mère. Comme ça on dit certains ulama. De préférence, qu'elle soit yatim, elle n'a pas de mère. Il a dit, non, ça ce n'est pas vrai, dans la religion ce n'est pas vrai. Mais c'est comme a dit ici le R, toujours il y a des problèmes avec les belles-mères. C'est ça, c'est pour ça que de préférence, yani maintenant, avoir une maison, c'est quelque chose de très très très demandé. Yani quelqu'un qui veut se marier, s'il a une maison, seul, même si c'est un petit studio, c'est mieux que de vivre avec ses parents dans quoi? Dans un château. Tu as un studio seul avec ta femme, c'est mieux qu'un château. Pourquoi? Quand tu es seul avec ta femme se lève le matin à l'heure qu'elle veut. Elle fait la prière et elle dort. Elle veut dormir jusqu'à 10 heures. Elle veut dormir jusqu'à dehors, elle est libre. Mais si elle est avec ta mère, il faut qu'elle se lève pour faire des choses. Peut-être que même elle a le tour. Hein, aujourd'hui c'est la fille X, demain c'est l'autre. Et après demain c'est ta femme qui doit se lever, qui fait le ménage, etc. Comme dans certaines familles, et si elle se lève pas, etc., c'est vraiment très très grave. Elle a fait quelque chose, yani, comme si elle a tué quelqu'un ou là, elle a fait quelque chose de très grave. Quand elle est chez elle, elle se lève quand elle veut, elle dort quand elle veut, elle s'habille quand elle veut, et les machakis, les problèmes ne sont pas beaucoup. C'est pour ça qu'il est très très très très demandé maintenant de nos jours que quelqu'un commence, yani, dès maintenant, à cacher un peu d'argent pour que lorsqu'il se marie, yani, il habite seul. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, il est permis à la femme de poser comme condition lors du mariage de poser comme condition que je me marie puisque on va habiter chez toi et c'est difficile, vous êtes nombreux, etc. Je me marie avec la condition que quoi? Que à condition que si yani ça me plaît pas, je m'arrête. Que si ça me plaît pas, yani on divorce ou là. Pourquoi? Parce qu'il sait que elle va se marier dans un endroit où peut-être yani elle va, c'est sûr que elle va rencontrer beaucoup de problèmes. Donc qu'est-ce qu'il a dit ça? Non. Donc, quand elle vit maintenant avec sa belle-mère, etc., elle est obligée de quoi? D'essayer au maximum d'éviter les problèmes. Quand elle se marie avec sa belle-mère, il faut au maximum essayer d'éviter les problèmes. Pourquoi? Parce que yani, c'est quand même c'est la mère de son mari et elle est toujours yani, plus âgée que la mariée et elle est dans sa maison. Tous ces facteurs doivent jouer le rôle de, yani on est obligé de la respecter, on est obligé d'être bien avec elle, on est obligé, ce n'est pas toujours les problèmes qui viennent d'elle, bien sûr. Ensuite, c'est normal aussi, elle est jalouse à cause de son fils, etc. Donc c'est pour ça que une femme qui vit avec sa belle-mère, il faut qu'elle ait, yani une poitrine, comme on dit, très large. Il faut pourquoi pour patienter, etc., etc. Quand elle ne vit pas avec elle, quels sont les droits et les devoirs, etc. Et en principe, quand elle veut faire plaisir à son mari, etc., il faut qu'elle soit bien avec sa belle-mère, en principe. Yani, elle va la voir, etc. Mais il n'y a pas quelque chose comme ça qui montre que, comme par exemple, nos pères et nos mères. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça. Mais en général, plus on aime son mari, plus quoi? Plus on essaie d'être bien avec la belle-mère. Par contre, on est bien avec sa belle-mère, on est bien, ça veut dire qu'on est bien avec lui. Parce qu'on peut pas être bien avec son mari ou détester sa mère. Ça ne peut pas marcher. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Abu Muhammad, tafaddal. Pose la question, Abu Muhammad. Abu Ahmed, pardon. Je voulais dire Abu Ahmed. Tafaddal, pose ta question. Salam alaikum. En ce moment, il y a des frères qui se marient avec des sœurs qui consomment leur mariage et qui disparaissent peu de temps après. Ou qui divorcent les sœurs après avoir profité d'elles. Pourriez-vous faire un petit rappel sur cela? Barakallahu fikum. Naam. Ma'al asaf. Ça, c'est le din des chiites. Le chiite se marie avec la sœur. Naam. Le chiite se marie avec la sœur et il se met dans la tête que c'est un zawaj muta, c'est un zawaj temporaire. Reste avec elle une semaine ou là il part, surtout si elle est riche ou là il essaye de lui dire prête-moi ton argent, je vais faire un projet, etc. Et il part et on ne le voit plus. C'est pour ça que la soeur avant de se marier, elle doit, quand quelqu'un lui demande sa main, est venu demander sa main, elle doit beaucoup demander après lui qui c'est celui-là et est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui fait la tezkiya, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que celui-là c'est quelqu'un de bien. Par exemple, je lui fais une tezkiya. Pourquoi? Parce que c'est très simple de faire la barbe, etc. Avoir la barbe, avoir un kamis, c'est très simple. Et c'est très facile. Mais est-ce qu'on est un vrai ou un faux? C'est pour ça que les sœurs doivent avoir quoi? Elles doivent avoir un peu d'intelligence, elles doivent demander au moins qui c'est celui-là, demander bien après lui, etc. avant de se marier. Et c'est pas le premier venu, on l'accepte, c'est pas le premier. Mais on doit prendre un temps de réflexion et pendant ce temps de réflexion on fait la prière de la consécration et on doit chercher sur cette personne, moi je me souviens quand je me suis marié, après m'être marié avec quelqu'un j'étais enseignant avec moi, mais après m'être marié, peut-être après 3 mois, 4 mois, une fois il m'a dit, je t'ai pas dit une chose, il m'a dit, il y a 3 mois ou 4 mois, il m'a dit, il y a quelqu'un, et c'était bien sûr, c'était le frère de celle que je voulais épouser, il m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu ici, et il m'a demandé est-ce que je te connaissais, et quelles sont tes habitudes, etc., etc. Donc, celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ou là, peut-être c'est pas elle, peut-être c'est son frère qui a décidé tout seul. Il est venu la chercher où je travaille, en quel établissement, il est rentré, il a cherché quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était bien sur un barbu. Il a cherché un barbu, il lui a posé la question. Est-ce que tu connais celui-là? Quelles sont ses habitudes, etc. C'est comme ça que doit faire la femme avant de se marier. Elle doit être sûre que c'est quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, de Sera. Je ne sais pas. Et Annie, elle se jette au premier comme ça. Et ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer. Inch'Allah Ta'ala. Ibn Muhammad Tafadlallah. C'est où la question, elle? Est-ce que je peux faire la hijra alors que j'ai deux filles, de ma première femme divorcée, une convertie mais qui ne prie plus, et elle va à l'encontre d'Islam dans leur éducation? Je voudrais faire la hijra avec ma deuxième femme. Mes filles ont 6 ans, 8 ans, elles vivent avec leur mère, conseille-moi, barakallahu fi. Je voudrais te dire moi une chose. Est-ce que toi, quand tu es là, ça veut dire que tu ne vas pas faire la hijra, est-ce que tu as de l'influence sur tes filles? Est-ce que tu as de l'influence sur tes filles? Tu sais que si tu ne vas pas à la hijra, yani tu fais quelque chose. Yani tu les aides, tu ceci, cela. Maintenant, s'il n'y a rien, si tu vas rester, tu n'as pas de l'influence sur elles, et tu les vois pas, et tu les rencontres pas, et tu n'as pas d'influence, à quoi ça sert que tu restes? Maintenant, si tu restes, tu as quelque chose, dis-le-moi. Et voilà, voilà ma question, moi. J'attends ta réponse, Ibn Muhammad, j'attends ta réponse. Pas trop, tu vois, pas trop. Voilà ce que je voulais savoir, moi. Yannick, tu vas rester, mais tu vas peut-être ni les rencontrer, ni avoir de l'influence sur elles si tu les rencontres. Non. Quant à la première femme, divorcée, convertie, mais qui ne prie plus, etc., mal-assef. Yannick, nahnou, on regrette beaucoup que quelqu'un, Yannick, se convertisse, ensuite qu'il change de chemin. Mais en principe, quand quelqu'un se convertit, il change de chemin, comme on dit, c'est parce que il n'a pas trouvé la vraie voie. C'est pas possible, il n'a pas trouvé la vraie voie, ou peut-être que il n'a pas été beaucoup aidé. Peut-être qu'il n'a pas été beaucoup aidé. Peut-être que c'est pas toi, Ibn Muhammad, je parle pas de toi. Je parle de quelqu'un qui rentre comme ça nouveau. Des fois il tombe dans les chiites, des fois il tombe avec des gens qui sont loin de l'islam. Ensuite il dit, c'est pas ce que je cherchais. Et des fois il tombe avec des gens qui n'ont rien compris de l'islam, qui donne une idée moche de l'islam, et ensuite il lâche encore une fois. C'est pour ça que quand quelqu'un veut qu'il tienne bien en islam, là, il faut qu'il demande la science. Sans la science, c'est très difficile pour lui. C'est très difficile pour lui. Sans la science, déjà avec de la science, la science de la charia bien sûr, avec de la science, c'est difficile dans un pays comme l'Europe et l'Amérique, etc. Comme m'a dit une sœur, elle m'a dit, je vais faire la hijra parce que j'ai peur de sombrer dans les péchés. Ici, elle dit, en Europe, on sombre très facilement dans les péchés. Naam, c'est très difficile. À droite, à gauche, en haut, en bas, où tu regardes, c'est les péchés. C'est très difficile. C'est pour ça que la hijra est conseillée. Donc, maintenant, si c'est difficile et on n'a pas de science, c'est très très difficile. C'est pour ça que les ulama disent, ils disent que quand quelqu'un est dans un pays musulman, et il veut aller à l'étranger, en Europe, ou là, par exemple, pour yani tijara, ou là, pour faire le commerce, ou là, pour, ils disent, il lui faut deux conditions. Al-ilm, alladhi yadfa'u bihi ash-shubuhat, wa at-taqwa allati yadfa'u bihi ash-shubuhat. Il lui faut la science avec laquelle il va éloigner les ambiguïtés, et la piété avec laquelle il va éloigner les péchés. Non. Si on est en plein Europe, on n'a ni ilm, on n'a pas de science, on n'a pas de piété. Non, c'est pas on va sombrer. On va devenir peut-être le plus grand kafir. C'est pour ça que on regrette vraiment yani, que cette femme yani, soit allée dans le deuxième sentier. Mais Inch'Allah, Akhi Ibn Muhammad, si tu sais que tu n'as aucune influence sur tes filles, que classe, la loi les donne à la femme, etc., hein, il ne te reste plus qu'à prendre ta valise pour tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu fais beaucoup de doigts. Tu fais beaucoup de doigts pour Allah Azza wa Jal, yani, les préserve. Maintenant, si tu sais que tu peux faire quelque chose, inshallah ça va changer. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Umm Abdullah Zinjabila, vous n'avez pas de questions aujourd'hui? Un frère veut épouser une deuxième. Mais la soeur est un peu inquiète car le frère ayant un bon poste, l'ingénieur se rase la barbe et porte une chemise kafan. Le frère a du ilm, masha'Allah, y a-t-il un mal si elle accepte? De toute façon, comme on dit en arabe, on dit shar ahwan min shar. Il y a un mal qui est moins mal que l'autre. Il y a un mal qui est moins mal que l'autre. Quand une sœur veut se marier, avant de voir yani, quel est son poste, etc., elle voit quelle est sa foi et quel est son ilm. Elle voit quelle est sa foi et quel est son ilm. Car beaucoup de femmes se sont mariées avec des gens riches et elles sont devenues très malheureuses. Et beaucoup de femmes se sont mariées avec des gens qui ne sont pas riches, mais qui sont pieux, qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont très heureuses. Ça, tout le monde le sait. C'est pour ça que quand quelqu'un rase la barbe, ou bien s'habille comme les kuffars, on ne va pas dire de lui, ce n'est pas un musulman, astaghfirullah. On ne va pas dire qu'il ne va pas rentrer en paradis, astaghfirullah. On ne peut pas dire ça. Mais, yani, si on trouve mieux, de préférence, pas celui-là. Yani, s'il y a quelqu'un qui, elle sait qu'il va y avoir un autre, yani, plus pieux que celui-là, même s'il n'a pas un poste d'ingénieur, on accepte le deuxième. Car on se marie à cause du din. On se marie pas à cause des postes, à cause de où il travaille. C'est pour ça que, elle dit, elle regarde elle. Si elle sait, par exemple, que elle est du genre, que il y a d'autres qui vont venir parce qu'elle est encore jeune, elle est assez belle, oula. Elle dit, elle attend un peu qu'il vienne un autre. Maintenant, si elle sait que peut-être il ne va pas y avoir, ou là elle est assez âgée, ou là elle est dans un endroit difficile, etc., celle-là, elle fait la prière de istikhara. Elle fait la prière de istikhara. Et peut-être que, on sait jamais, peut-être que celui-là, elle peut lui poser comme condition. Elle peut lui poser comme condition au moins la barbe, au moins. Au moins la barbe. C'est plus important que le khamis, car le khamis n'est pas obligé, mais la barbe c'est obligé, hein, une différence. Au moins elle lui dit, je voudrais qu'il laisse la barbe et que s'il s'habille pantalon ou là, qu'il mette un, par exemple un pantalon assez large, qu'il mette par exemple une veste sur le pantalon. Il ne laisse pas comme ça, yani, il met quelque chose qui descende comme ça de son dos. Et qu'il mette le pantalon yani, assez court, etc. Inch'Allah ta'ala, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'aide. Qu'il l'aide pour choisir celui yani, que Allah Azza wa Jalla aime et avec lequel elle sera inch'Allah ta'ala heureuse. Moumine 84, tafadlal. Wa alaykoum salam. Bonjour et deux questions. La première sur la salat. Lorsqu'on finit le salat, quelles sont les différentes formes de dhikr? Tasbih. Tasbih, tu parles de tasbih. Naam, il y a deux ou trois sortes. Il y a deux ou trois. Il y a celle qu'on connaît beaucoup, c'est celle qu'on fait 33-33, et on termine par la ilaha illallah. Ensuite, il y a la deuxième, tu fais seulement 10. Seulement 10. Deux fois, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 10 fois. Alhamdulillah, alhamdulillah, 10 fois. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, 10 fois. Et tu dis pas la ilaha illallah. 10, 10, 10. Ça fait 30. Et il y a une autre où tu fais 15. Toutes ces sortes-là, sont dans des hadiths sahih, comme tu dois le savoir. Inch'Allah ta'ala, tu attendras un peu qu'on arrive au temps de la salat. On donnera, Inch'Allah, tout cela par détail, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le wudu, si on a un pansement sur le visage, lorsqu'on se lave le visage, on peut passer sur le pansement, on doit le retirer. Si le pansement, on ne doit pas l'enlever, on ne peut pas le retirer. Maintenant, si le pansement, on peut l'enlever, on peut faire passer l'eau. Donc ça veut dire que le pansement Ada, il est en plus. Donc Ada, tu dois mettre l'eau partout. Mais si c'est un pansement sur une plaie, tu ne peux pas enlever le pansement. Ça veut dire qu'il est sur la plaie. Ça veut dire que tu essuies un peu doucement sur le pansement. Comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres. Quoique Cheikh Al-Albani dit, on n'essuie pas. Cheikh Al-Albani dit, on n'essuie pas. Il dit, tu fais le wudu normalement, et à cause de l'endroit où tu l'as pas touché, tu fais le taïmoum. Tu joues entre le wudu et le taïmoum. Certains ont dit comme ça, et certains ont dit, tu essuies seulement sur le pansement. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Abdullah Zinjabila, est-ce qu'il y a quelque chose? je profite d'une question ici. Salam alaikum, cher. Quelles sont les parties interdites et obligatoires que la femme ne doit pas épiler? Comme Abdallah l'a dit, est-ce qu'on peut faire salaf istighara pour un mariage plus d'une fois pour une même personne qui demande? Et comment peut-on savoir la réponse, surtout si on a eu beaucoup de rêves contradictoires? Naam. Et qu'on a des sentiments contradictoires aussi. C'est clair ou pas? En fait, j'ai eu des rêves une fois en phase de mariage, une autre en défaveur, je ne sais plus que faire, je désespère. Naam. On peut faire plusieurs fois la prière de la consultation sur la même personne. Le dalil, c'est que Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu, a fait plusieurs fois, il a fait trois fois la prière de la consultation lorsqu'il voulait détruire la Kaaba. Le hadith, il est dans le Bukhari. Pourquoi? Parce que des fois, quand on fait la prière de la consultation, des fois, on n'a pas le cœur avec nous. Et des fois, on a la concentration avec nous. Quand on l'a fait, yani on sent que yani peut-être qu'on va avoir, yani on va avoir ce qu'on appelle le résultat. Et des fois, on l'a fait comme ça, notre cœur n'est pas avec nous. C'est pour ça qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que la prière de la consultation, ce n'est pas toujours, et d'ailleurs c'est dans la plupart des cas, ce n'est pas dans les rêves. Ce n'est pas avec les rêves qu'on sait si ça a été accepté ou pas. La preuve, tu vois des rêves en faveur, ensuite défaveur. Non, la prière de consultation, quand tu l'as fait, si Allah Azza wa Jalla veut cette chose, tu sens un penchant envers cette personne, par exemple. Déjà ici, c'est pas très clair. Déjà ici, c'est, hein, c'est faveur, défaveur, c'est pour ça que c'est pas très clair. Si elle avait marché cette prière de la consultation, tu aurais vu quoi? Tu aurais eu, par exemple, un penchant envers cette personne. Tu aurais pu peut-être un penchant envers cette personne. C'est pour ça que refais-la, inshallah ta'ala, et c'est pas sûr que c'est, comme je viens de dire, que c'est toujours le rêve. Bien au contraire, le rêve, c'est le moins demandé. Mais c'est surtout le cœur. C'est, lorsque l'Azul veut ce mariage, il le fait marcher vite. Vite. Tu vois que c'est le jour du mariage. Maintenant, quand tu fais la consultation, et l'Azul veut pas ce mariage, il le fait éloigner de toi sans que tu le veuilles. Même toi tu veux, il l'éloigne. Ensuite, ça y est, il s'est marié avec une autre, ou là il a quitté la ville, ou là il est mort, ou là je sais pas ce qui s'est passé, ou là la suite déteste. Il a dit qu'on l'Azawajal ne veut pas. Quand il veut l'Azawajal, la prière de la consultation, elle marche, yani ça va, ça passe pas, et tu te maries avec lui. Donc toi ne désespère pas, fais là, inshallah ta'ala, encore une fois, et essaye de voir autre chose, yani autre chose en lui, essaye de demander encore plus en lui, essaye de demander plus en lui, peut-être tu vas écouter des choses qui vont te plaire, te faire pencher vers lui, peut-être tu vas écouter des choses qui vont te faire détester, tu vas yani, chercher une autre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne désespère pas, parce que yani, quand Allah Azza wa Jal exige une femme de se marier, elle se mariera même si tous les gens du monde se rencontrent. Tous les gens du monde seront contre elle, elle va se marier. Naam. Elles sont cela, elles l'aiment et elles sont. Naam, elles sont cette chose, mais ça ne veut pas dire que le fait qu'elles sentent qu'elle va être heureuse avec lui. Ça ne veut pas dire cela. Elles sont et elles l'aiment. Elles. Mais est-ce qu'elle va être heureuse? Seul Allah Azza wa Jalla sait cela. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, Asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il est possible que vous aimiez quelque chose, mais c'est un malheur ou un mal pour vous. Donc, ça ne veut pas dire que quand elle l'aime, que là, elle doit se marier. Non, elle l'aime et peut-être là, je ne le veux pas. Peut-être qu'elle l'aime et ça va être la source de ses malheurs. Naam. C'est après qu'elle saura cela, pas maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bintou Muhammad, tafadlal barakallahu fik. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ma question n'est pas en rapport, avec le cours. Si une personne se dirige vers une mosquée pour prier le Maghreb, il trouve les prieurs qui ont prié. Est-ce qu'une personne a le droit de faire la nafila avec lui? Si oui, comment? par rapport au Maghreb qui est au nombre de 3. Quand une personne rentre à la mosquée, elle trouve les gens qui ont prié. Si tu veux faire toi maintenant la prière du Maghreb, il y a quelqu'un qui veut la faire avec toi, c'est possible. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu quelqu'un faire la prière seul, la prière al-Asr, il a dit, quiconque de vous veut faire l'aumône à celui-là. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala qui s'est levé, il est allé, il s'est mis à sa droite. Donc, il est possible par exemple que quelqu'un vienne ou que tu cherches quelqu'un et qu'il la fasse avec toi. Pour lui, c'est la nafila. Pour lui, c'est la nafila. Et pour toi, c'est quoi? C'est Salat al-Maghrib. Lui, il met dans son intention, c'est une nafila. Et pour toi, c'est Salat al-Maghrib. Et pour que lui, pour qu'il ne fasse pas la prière comme witr, toi, quand tu dis salam alaikum, lui, il se lève et il ajoute une quatrième. Lui, il se lève, il ajoute une quatrième raka'a. Comme ça, il ne va pas faire le witr. Parce que le witr, il va le faire après le Aïcha. Quand toi, tu dis salam alaikum, lui, il se lève et il termine une quatrième raka'a. Inch'Allah, Azza wa Jal. Wallahu Azza wa Jal Adam. Om Abdullah Zanjabi, là, il n'y a rien. Une sœur demande, peut-on avoir recours à la chirurgie esthétique sans raison médicale? Par exemple, augmenter de certains parties du corps à cause des complexes obsessionnels. En ce qui concerne la chirurgie esthétique, on ne doit la faire que quand on a un défaut. On ne doit la faire que quand on a un défaut. Quand on a un défaut, on n'est plus comme les gens normaux, quand on a un défaut, on peut faire cette chose. Par exemple, à force de, par exemple, on a le ventre qui est, par exemple, qui a beaucoup descendu, ou là, quelque chose comme ça, et on fait un peu remonter, ou là, les ulama ont dit, cette chose est permise. Pourquoi? Parce qu'elle le fait à cause d'un défaut. Maintenant, son ventre qui est comme ça, ou là, ceci qui est comme ça, c'est devenu un défaut. Mais si elle le fait à cause de l'esthétique, elle le fait à cause de la beauté, ça, elle rentre dans, comme tu dis là, elle sera châtiée, elle rentre dans le ism. Pourquoi? Parce qu'elle fait tarir khalqallah subhanahu wa ta'ala. Et quand elle a quelque chose qui est un défaut, par exemple, aux autres, par rapport aux autres gens, celle-là, c'est comme si, par exemple, quelqu'un a fait un accident de voiture. La qadar Allah, ensuite, son visage est défiguré. Celui-là, il va faire l'esthétique. Pourquoi? Pour enlever les défauts. Non, il n'est plus comme les gens. Il a maintenant, il est défiguré. Celui-là, il va faire l'esthétique, pas pour devenir beau, mais pour enlever les défauts qu'il a, pour devenir comme les gens, normalement. Soit qu'une femme, par exemple, qui a dans le visage les points noirs, etc. Tout ça, elle peut les enlever, parce que c'est un défaut. C'est un défaut. Les femmes normales n'ont pas ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. جحاف لو أنت تفضل. نعم تفضل اشتاقه إن شاء الله. نعم عليكم السلام ورحمة الله. Est-ce qu'une femme qui allait son enfant ne doit pas jeûner malgré sa capacité de le faire? Je veux savoir aussi si c'est vrai qu'Allah interdit à la terre de manger le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est toujours vivant dans sa tombe pour rendre le salam barakallahu fikum? Naam, une femme qui allaite doit jeûner. Je dis, une femme qui allaite doit jeûner. Si elle a la capacité de le faire et elle ne jeûne pas, elle a des ithmes, elle a des péchés. Parce que tout le monde doit jeûner, tout le monde. Mais, si elle ne peut pas, elle a peur, elle se fait mal, ou elle a peur pour son bébé. Dans ce cas, elle ne jeûne pas, et elle ne rattrape pas. Et elle fait manger pour chaque jour qu'elle a mangé, elle fait manger quelqu'un. Mais j'ai bien dit la condition, dans le cas où elle a peur pour elle, elle a des maux, etc., ou elle a peur pour son bébé. Maintenant, si elle n'a peur ni pour elle, ni pour son bébé, et elle sent qu'elle peut, celle-là, si elle mange, يعني c'est pas la peine de le rattraper parce qu'elle a mangé sans raison. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a dit je veux pas faire le jeûne aujourd'hui, elle a mangé. Elle dit premièrement. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal, naam, a interdit à la terre de manger le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est un hadith sahih qui dit cela. Il a dit, Allah Azza wa Jal a interdit à la terre de manger la terre des prophètes, pas seulement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de tous les prophètes. Et qu'il est toujours vivant dans sa tombe pour rendre le salam. Naam. Et quand tu dis maintenant Allahumma salli wa sallam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ange qui lui prend direct cela et lui dit, il y a X avec ton nom qui vient de dire la salat sur toi. Et Allah Azza wa Jal fait 10 fois la salat sur toi quand toi tu fais une salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والله سبحانه عز وجل أعلم جحاف هذا سي جحاف كي يبوز لا كيسيون نعم سعيد 91 تفضل سعيد 91 سعيد السلام عليكم ورحمة الله لا موسكي دو مافيل إي تبليغ. Ils n'aiment pas les salafis. Chaque semaine, ils nous provoquent, nous menacent. Que dois-je faire? Car ils connaissent beaucoup de voyous. Je dois déménager? Naam, si tu peux, déménage. Naam, si tu peux, déménage de ces ennemis de la sunna. Les ennemis de la sunna, les tiblériyons. Il y a certains gens qui disent, les tiblériyons, masha'Allah, ils sont bien. Ils sont masha'Allah et ils invitent les gens à faire la prière. Masha'Allah, les tiblériyons. Naam, si tu peux déménager, je te conseille de déménager si tu peux. Car à cause d'eux, ou bien tu vas avoir des problèmes, tu risques d'être en prison ou je ne sais pas quoi, ou bien tu vas avoir le deuxième problème, c'est de rester à la maison faire la prière. Si tu peux, inshallah ta'ala, déménager, avant de déménager, qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord chercher un endroit où il y a une vraie mosquée, une mosquée de salafis. Quand tu trouves la mosquée, tu commences à chercher dans les alentours où il y a une maison. C'est comme ça qu'on fait. Commence d'abord par la mosquée. Quand tu la trouves, va chercher dans les endroits à deux, je ne sais pas où, tu demandes s'il y a, Inch'Allah ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, l'Ali, l'Azim, l'Qadir, qu'il t'aide à ce que tu sois pris, Inch'Allah, d'une mosquée de salafine et talab ilm, Inch'Allah ta'ala. Firewater 59, tafadlal. Naam, Muslim Kola, tafadlal, c'est quoi ce pseudo? Je ne sais même pas le lire. Fire, c'est le feu, et water, c'est l'eau. C'est quoi? Rappelle-moi, peut-être que je t'ai répondu. Dis-moi, je te dis si je t'ai répondu, rappelle-moi. Dis-moi, il parle de quoi ce courrier? Sur le chiffre, hein? Oui, sur le chiffre. Naam, il est là devant moi pour te répondre. Naam, il est là. Khalid, je te réponds maintenant directement. Ça, il est là devant moi pour répondre parce que j'ai pas encore commencé à répondre à ces questions et à aller du courrier. J'ai parlé seulement de deux questions. J'avais arrêté la prière et je faisais semblant de la faire devant mes frères et mes parents. Des fois, j'étais en état de janaba. Mais j'ai repris sérieusement. Est-ce que c'est grave? Comment dois-je faire pour que l'on me pardonne? Je vois que c'est du shirk. J'ai peur d'aller en enfer. Que l'on ne me pardonne pas. Que dois-je faire? Barakallahu fik. Naam. Sache mon frère que après avoir fait le repentir, même si tu as fait les plus grands péchés du monde, les plus grands péchés du monde sont annulés. Si quelqu'un fait le repentir, il est sincère dans le repentir, même s'il a fait le plus grand péché du monde, yani Allah Azza wa Jal va lui pardonner. Pourvu qu'il ne meure pas avant. Alhamdulillah, toi tu es vivant, et cette personne a dit, je suis vivante, et j'ai fait le repentir, etc. Et j'ai peur, etc. Donc, Inch'Allah ta'ala, sois rassuré. Si tu as fait le repentir, oublie ce que tu as fait autrefois. Oublie. Et dis-toi qu'Inch'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jalla t'a pardonné. Et sois rassuré en ce qui concerne l'avenir. Ton avenir commence à compter à partir du moment où tu as fait le repentir. Yani, tu as, Inch'Allah ta'ala, tout effacé. Maintenant, pense à ce qui va venir. Fais beaucoup de nafila, fais les rawatib, de temps en temps fais le jeûne, de temps en temps donne un peu d'argent, etc. aux pauvres, Inch'Allah ta'ala, tout a été bi'idhn la azzawajal pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Iman Ihsan tafaddali. Fika barakallah. Non, les gens ont fait plus que cela. Les gens ont tué des... Khalid ibn al-Walid radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des sahaba. Et Allah azzawajal lui a pardonné. C'est un seif min souyouf Allah maintenant après la tawbah. C'est seulement la tawbah, l'islam, لأن التوبة لأن التوبة كسكت في تهدم ما قبلها نعم تفضل عليكم السلام ورحمة الله نعم je t'ai répondu par email je t'ai répondu يعني j'ai envoyé la réponse inshallah تعالى aujourd'hui je me rappelle plus c'est quoi la question si elle t'est pas arrivée pose-la maintenant Si le courrier n'était pas arrivé, pose-la maintenant, inshallah ta'ala. Naam, barakallahu fik. Salam à 57, tafaddali. Naam, jazakallahu khair. Salam à 57, tafaddali. Je vais lire maintenant quelques questions qui sont venues, flaha. Wa alaykoum salam, wa barakatou. Est-ce qu'on peut se fier aux horaires du calendrier pour la prière du Fajr, vu qu'en France il n'y a pas d'adhan? Pourriez-vous nous donner des conseils pour l'apprentissage du Coran et surtout pour la Mouradja'a, comment s'organiser, barakallahu fik. Naam, je crois qu'en France et partout, je crois, en ce qui concerne le calendrier, je crois que quand tu entends ou là, quand tu vois le calendrier, essaye d'ajouter à peu près une demi-heure. Quand tu vois que c'est, par exemple, à 6h du matin au calendrier, toi ajoute 20 minutes à peu près, au moins 20 minutes, et fais la prière, Inch'Allah ta'ala. Après 20 minutes, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à 25 minutes, fais la prière du Sop. Je parle de celle du Sop, bien sûr. Hein, celle du Sop, c'est tout. C'est celle-là qui est grave. C'est celle-là où il y a des fautes. Donc, après le calendrier, ajoute 25 minutes, 20 minutes, 20, 25, 30, et fais la prière, Inch'Allah ta'ala. En ce qui concerne l'apprentissage du Coran, ça doit demander, yani, ce qu'on appelle Himma Kabira. On doit vraiment être sincère et vraiment yani le vouloir et demander beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider car quand on commence à apprendre quand on est âgé c'est pas quand on commence à apprendre quand on a 5 ans ou 6 ans c'est pour ça que la grande faute qu'on fait maintenant c'est de ne pas pousser nos enfants pour apprendre le Coran on les laisse comme ça jeunes on les fait pas apprendre c'est ça la grande faute qu'on fait maintenant en ce qui concerne la Mouradja'a c'est aussi très difficile comment très difficile ça veut dire que chaque personne doit yani, je ne peux pas te dire par exemple moi c'est à telle heure, de telle heure à telle heure la Mouradja'a il faut qu'elle soit tous les jours et comment cela c'est d'après la personne cette personne est-ce qu'elle travaille, travaille pas qui c'est cette personne, quand est-ce qu'elle dort pas c'est elle qui doit choisir au moins 2 heures par jour elle dit au moins 1h30 2 heures par jour yani, pour refaire la Mouradja'a et celui qui veut apprendre le Coran, il faut qu'à chaque fois, jamais ses lèvres ne s'arrêtent de bouger. Il est tout le temps en train de réviser. À la cuisine, il révise. Il est assis, yani, il révise. Et en voiture, il révise. Il marche dans la rue, il révise. Celui qui veut apprendre le Coran. Sinon, yani, celui qui laisse comme ça des mois, ensuite il va essayer de faire la Mouradja'a, ça c'est très difficile. C'est pour ça que demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide, fais beaucoup de doigts, et si tu es sincère, c'est Allah Azzawajal qui va t'ouvrir les portes, qui va t'aider. Parce que Allah Azzawajal aime les gens qui veulent apprendre le Coran, aime les gens qui veulent se rapprocher de lui, s'il voit que tu es sincère, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider, il va te faire la baraka dans ton temps, Inch'Allah Azzawajal. Naam. Salama tafaddali. Salma, ou la Salma, naam, Salma. Je voudrais savoir comment les sahaba faisaient leur dhikr après la salat s'ils cachaient leurs mains naam, là aussi il est ici devant moi pourquoi cacheraient-ils leurs mains je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que yani, ils cachaient leurs mains pourquoi ils cachaient leurs mains qu'est-ce qui a dit cela je n'ai jamais entendu cacher leurs mains est-ce qu'ils faisaient à haute voix ou à basse voix là il y a une différence c'est tout il y a une différence Est-ce qu'il faisait à haute voix ou à voix bas Non, justement, moi je voulais te dire que j'ai jamais entendu. Moi je voulais te dire que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ou la dire qu'il cachait leur main. C'est la première fois que je l'entends. Et Mohim, puisque tu l'as entendu, je dirais que on cache pas les mains, on fait tesbih dans les mains normales. On fait tesbih dans les mains normales, on ne fait pas tesbih avec le chapelet. On ne fait pas tesbih avec la subha, le chapelet. Parce que ça, c'est une bid'a qui est venue de l'Inde. Ensuite, elle est partie aux chrétiens, ensuite elle est chez les chrétiens maintenant. Ensuite, les soufis l'ont prise. Et certains frères, etc., font cela, mais ils ne savent pas que c'est une bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, en parlant des doigts, en parlant de un peu plus haut que les doigts ici, où il y a les empreintes, etc., il a dit, innahunna mustantaqat. Il a dit, yani ces doigts vont parler yom al-qiyama. Ils vont dire, subhanallah, alhamdoulilah, etc. Et yom al-qiyama, personne n'aura le chapelet avec lui. Celui qui aura fait le tesbih dans ses mains, il dira, alhamdoulilah, voilà mes mains maintenant ont témoigné, mes doigts ont témoigné, je les entends en train de dire, subhanallah, alhamdoulilah, Allahu Akbar. Celui qui avait le chapelet, il n'y a rien. Le chapelet, il est resté dans ce bas monde. En ce qui concerne contre le cœur, en ce qui concerne est-ce qu'il a la foi à voix haute ou voix basse, il y a un hadith d'Abdullah ibn Abbas, je crois, qui dit que quand on rentrait à la mosquée, on entendait, on savait que la prière était terminée quand on entendait les sahaba lever le voix pour faire le dhikr. Donc, se basant sur ce hadith, beaucoup de ulama comme Cheikh ibn Uthaymeen et ibn Baz et beaucoup disent qu'on fait le dhikr à voix haute. Et d'autres, comme Ibn Hajj al-Asqalani ou Nawawi, et je crois l'Albani aussi, on dit on le fait à voix basse. Parce que quand ils entendent les Sahaba lever la voix, c'était pour apprendre aux gens. C'était pour apprendre aux gens comment qu'on doit faire. Ils ont dit, donc le hadith où il est dit c'était à voix haute, c'était juste pour apprendre les gens, et ce n'est pas yani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Maintenant, je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam quel est le plus juste. Moi, je choisis celui de on ne lève pas la voix. Moi, je choisis celui on ne lève pas la voix. Car en principe, le doua, on ne lève pas la voix dans les doua en principe. Comme a dit là dans le Coran, وَذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِفْيَةً وَخِفَةً تَضَرُّعًا وَخِفَةً. Il a dit إِذْ نَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Il a appelé ou la nada Allah Azza wa Jalla nida'an yani khafiya, en cachette. Donc de préférence Allah Ta'ala alam, on ne fait pas fort, mais si on le fait fort, il y a des ulama qui ont dit cela, yani le muhim c'est que la personne ne fasse pas comme ça de sa tête, c'est qu'elle lise et elle entende ce qu'ont dit les ulama, etc. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Na'am. على الدين تفضل والله سبحانه وتعالى أعلم. على الدين السلام عليكم ورحمة الله. ما كيسيون بيزار الله يجعل الخير اي peu gêner certains عفوا mais je dois savoir si pendant les étapes du grand lavage du vendredi on a des sorties de gaz doit-on tout recommencer à zéro barak lafik. Naam, pour le tu as raison de poser cette question, tu as raison de savoir. Pour le lavage majeur, tu ne recommences pas à zéro. Mais quand tu termines celui-là, tu recommences à zéro le petit wodo. Car en principe, quand on fait le lavage majeur, on commence par le petit. On commence par les petites ablutions. Ensuite, on passe aux grandes ablutions, on termine par les pieds, ensuite, c'est pas la peine de faire des petites ablutions, tu connais ça, naam. Mais maintenant, puisque les gars sont sortis, donc tu as annulé les petites ablutions, tu termines seulement les grandes ablutions, et avant de sortir, tu reviens encore une fois aux premières ablutions du début. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Jamal 38, tafadhal. Une sœur a dit, pourriez-vous réexpliquer le terme fitra min fadlikum? Je ne comprends pas réellement ce qu'englobe ce terme. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit kullu mawludin yulad ala al-fitra, al-fitra, ça veut dire que yani, sa religion est l'islam. Si quelqu'un naît, le fait qu'il naisse, yani, s'il meurt ou là, celui-là, c'est un musulman. Pourquoi ? Parce que quand Allah Azza wa Jalla il le crée directement, yani, musulman. Boué à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à se soumettre à lui. Il est à la fitra. Voilà ce que ça veut dire à la fitra. Mais c'est ses parents qui le rendent juif ou le rendent chrétien ou le rendent bouddhiste ou le rendent. Mais quiconque, là je le crée, il le crée directement, yani, musulman, yani, soumis, boué à connaître Allah subhanahu wa ta'ala si on ne lui fait pas, si on ne le guide pas vers des chemins, vers des faux chemins. Il ira directement vers Allah subhanahu azza wa jal. Jamel 38, j'attends ta question. Une femme dit, j'ai loupé deux jours pendant le ramadan dernier, car j'étais enceinte. Je voudrais savoir exactement comment il faut que je paye, les quantités, etc. Barakallahu fikoum. J'ai dit que quand une femme est enceinte, qu'elle a peur pour son bébé ou pour elle, qu'elle mange, elle fait manger un pauvre. Comment la quantité, etc. Il n'y a pas. Comme elle mange, elle, du moyen qu'elle mange, elle fait manger quelqu'un. Elle se dit, moi, qu'est-ce que je mange d'habitude? Le moyen. Elle calcule, elle dit, je mange d'habitude, par exemple, 2 euros, 3 euros. Ça veut dire que avec ces 3 euros, elle va acheter à manger à quelqu'un, elle va lui donner. Elle va lui donner. Ou bien, en l'amenant à la maison pour qu'il mange, ou bien, en lui prenant chez lui, dans sa maison ou là, dans la rue où il est assis ou là, ou bien en le prenant dans un restaurant et en lui payant à manger, ou bien en allant chez un restaurateur, en lui donnant de l'argent, on lui dit faites manger 10 personnes à ma place, barakallahu fikoum, et ainsi de suite. Voilà, l'essentiel c'est qu'elle fasse manger quelqu'un, inshallah ta'ala. Allez, la bouchée ma 40, tafadal, la bouchée ma 40. Le temps qu'il se pose la question, est-ce que les doua sont moustajab en temps de pluie? Est-ce que lorsqu'il y a la pluie, on fait un doua, il est moustajab ou bien il n'est pas moustajab? Lorsqu'il y a la pluie qui tombe, est-ce que c'est moustajab de faire le doua ou c'est pas moustajab? C'est moustajab, naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, utlu moustajab et doua, demandez yani, l'exaucement des doua, عند التقاء الجيوش, quand les soldats se rencontrent, les soldats musulmans avec les soldats ennemis, et quand la salat va commencer, c'est la deuxième chose, et quand la pluie commence à tomber. Dans ces trois, il faut toujours commencer à faire les doigts. Dès que tu vois la pluie qui commence à tomber un peu forte, hein, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les doigts, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Abu Shayma, où est ta question, inshallah ta'ala? Naam, il est une heure. Où est Abu Shayma, ta question? Bon, alors je profite pour dire, peut-on acheter, une femme demande, peut-on acheter à nos enfants, peut-on acheter à, bon, je voulais savoir, vous connaissez du hadith qu'il y a peu plus que le prophète a dit, tel sahabi qui est en vie, au paradis, et un autre sahabi. On termine la question, le temps que je lise ma question. Ma question, peut-on acheter à nos enfants peut-on acheter à nos enfants à nos enfants des livres ou autres, des vidéos de Haroun Yahya? Quel conseil me donnerez-vous pour l'éducation de mes enfants? Naam. Astaghfirullah wa atoubou ilayh. En ce qui concerne Haroun Yahya, en ce qui le concerne, c'est quelqu'un qui est égaré en aqida. Ce Haroun Yahya, c'est quelqu'un qu'il faut ne pas suivre et mettre en garde contre lui. Parce qu'il a une aqida fausse, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur le trône. Et il dit que quiconque dit celui-là, dit ceci, n'est pas musulman. Alors cette personne-là, il faut s'éloigner d'elle, c'est un mubtadi', lisez ses livres, et écoutez ce qu'il dit, il dit que Allah n'est pas sur le trône, et que celui qui dit cela n'est pas musulman. Donc cette personne, il faut l'éviter, ainsi qu'il faut éviter une deuxième personne qui s'appelle Hassan Ikwisan, et une troisième personne qui s'appelle Tariq Ramadan. Ces trois personnes ne sont pas dans le Minhaj Salafi, il faut les éviter, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. faut pas écouter ce qu'ils disent parce qu'ils vont vous induire en erreur. Quoique, je suis sûr, moi je les ai pas écoutés, j'ai lu ce qu'ils disaient, mais je suis sûr que ils ont une bonne parole, ils ont une belle parole, et ça va tirer, etc. Je sais que c'est comme ça à peu près. Mais l'essentiel, c'est ce qu'ils disent, et ce n'est pas la façon dont ils parlent, etc. Je voudrais savoir si vous connaissez le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sahabi qui est tombé au paradis, un autre sahabi voulait savoir pourquoi il a été hébergé chez lui 3 jours pour savoir ce qu'il fait. Mais il n'a rien appris, alors il lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Naam, qu'est-ce que tu fais de plus pour que tu sois moubashir bil jannah? Lui répondit, tous les gens qui ont fait du mal, leur demander à Allah qu'il lui donne la force de pardonner. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Naam, celui-là je le connais. Inch'Allah ta'ala, c'est un hadith sahih. C'est quelqu'un qui, yani, la nuit, quand il se réveillait, yani, il pardonnait à toutes les personnes. Comme ça, il disait, je leur ai pardonné, etc. Dans ce sens, naam, celui-là, c'est un hadith, inch'Allah ta'ala, sahih. C'est un hadith, inch'Allah ta'ala, sahih. Naam. Abdel Ghani Douz, tafadhal. Maintenant c'est l'heure, inshallah ta'ala, j'ai encore beaucoup de questions ici. Hein. Quelqu'un a dit, je cherche un doua pour me motiver, me faciliter la recherche et l'apprentissage de la science. Une protection contre la paresse. Naam, tu dis le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وتي دي aussi, tu dis aussi pour la caresse, la paresse, اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. Tous les deux hadiths inshallah ta'ala sont existent dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah. Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah. C'est qui le rapporteur du hadith min fadlikum? Je ne l'ai pas en tête. Mais fais-moi penser, Inch'Allah, pour la prochaine fois, je te donnerai le hadith. La prochaine fois, Inch'Allah, je te donnerai le hadith. Une sœur a dit, je voulais savoir, mon époux a un commerce et il vend des pulls au vert et t-shirts avec des animaux et des personnages de films. A-t-il le droit? Je lui ai dit de ne pas mettre, c'était illicite. Pouvez-vous me donner des fatwas hadith? Qu'est-ce que pensent nos savants à ce sujet? Naam, il n'a pas le droit, inshallah ta'ala, de vendre des choses où il y a des personnages et des photos de choses comme ça. Il y a des photos, comme elle a dit elle, d'animaux et de personnages, etc. Naam, il n'a pas le droit de vendre ces choses à cause des hadiths qui disent que le musawwir, qu'il aura un grand adab, châtiment le jour du jugement dernier. Donc nous, on n'aide pas les gens qui font les photos et ça, on ne les aide pas, on ne vend pas des choses pareilles, de préférence qu'ils changent, Inch'Allah ta'ala, ils changent, yani, et ils vendent autre chose, pourquoi? Parce que quand on vend quelque chose de haram, on mange le haram, et ensuite, il y a le doua qui n'est pas mustajab, ensuite on fait n'importe quel doua, Allah Azzawajal n'exauce pas, premièrement, et deuxièmement, yani, quand on meurt, on a peur, pourquoi? Pour ne pas lui avoir obéi. Naam. Ensuite, Abu Maryam. Abu Shema 40. Naam. Ça c'est, j'ai répondu à cette question. Abu Maryam 1, tafadhal. Avant de répondre à la fin, je répondrai à quelqu'un qui a demandé, est-ce qu'on peut manger les escargots? Bismillahirrahmanirrahim, Mustafa sallam al-Ashraf Moussalin. Les ulama ont divergé sur celle-là. L'imam Malik, alayhi rahmatullah, l'imam Malik a permis de manger les escargots. L'imam Malik a dit, on mange les escargots. Cheikh al-Fouzan, alayhi rahmatullah, pardon, hafidahullah, on peut dire de quelqu'un, alayhi rahmatullah, même s'il est vivant, Cheikh al-Fouzan, hafidahullah, a dit, on mange pas les escargots. Donc il a dit le contraire de l'imam Malik. et l'ajna le fatwa daima l'ajna kabira des ulama de l'Arabie Saoudite ont dit yani tu es libre, tu veux manger tu manges, tu ne veux pas manger manger, tu veux pas manger ne mange pas, mais si tu manges pas yani tu t'en éloignes c'est mieux. Mais ils ont dit quiconque veut manger les escargots il peut les manger. Ils ont dit l'amr wafi'a, yani Allah Azza wa Jalla a laissé la chose libre. Mais ceux qui ont dit on mange, et moi alhamdoulilah je suis convaincu qu'on mange, ceux qui ont dit on mange les escargots, ils ont dit à condition, il y a une condition, laquelle c'est de ne pas le mettre dans la, comment ça s'appelle, avec la marmite, ensuite mettre l'eau et le laisser bouillir avec quoi, avec l'eau. Ils ont dit ça c'est interdit, pourquoi, parce que tu fais le supplice aux animaux, ça c'est interdit de faire du supplice même à une fourmi. Donc ils ont dit qu'est-ce que tu fais, ils ont dit tu fais bouillir la marmite et tu la laisses, quand tu sais que l'eau a beaucoup beaucoup bouilli, classe, elle est très très chaude, il n'y a pas plus que cela, ensuite tu les prends, tu les jettes direct à l'intérieur, ils meurent à la seconde où ils touchent l'eau, comme ça, d'accord. Et si tu les mets auparavant, non, ils commencent à chauffer, déjà ils commencent à avoir mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal, ça c'est le supplice et le châtiment, et la yu'adibu binnar illa rabbunnar, et sauf Allah Azza wa Jalla a le droit de quoi, de châtier avec le feu, pas nous. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Maintenant je crois qu'on va terminer avec ce qu'on dit cela. Est-ce qu'une femme qui est en période de divorce, trois menstrues, doit garder son hijab devant son mari? Une femme qui est en période de divorce, si c'est le premier divorce ou le deuxième divorce, ça veut dire qu'il peut la faire revenir, elle ne doit pas garder son hijab devant son mari, mais bien au contraire, elle doit s'embellir. Elle doit s'embellir à chaque fois, peut-être que ce sera une cause pour que les deux reviennent et que Allah Azza wa Jalla jette quelque chose dans le cœur de l'homme, s'il la voit belle, etc. Donc quand elle est, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas, elles croient que quand il la divorce, il lui dit tu es divorcée, elles croient que, khlas, elle même pas lui donne à manger, elle dit khlas, je suis plus son mari. Non, ça c'est pas vrai, au contraire, elle a trois menstrues qu'elle doit garder, qu'elle doit rester avec lui pendant les trois menstrues. Si les trois menstrues se terminent, il ne l'a pas fait revenir, khlas, elle n'est plus sa femme. Mais si elle veut revenir après les trois menstrues, si elle veut, elle peut revenir à condition que ça soit un nouveau mariage. Je voulais savoir si faire des invocations en levant les mains après chaque prière est une bid'a. Et je veux qu'on me fasse la ruqya, mais je ne trouve personne sur Grenoble car ça devient grave. Je ne peux plus faire mes prières. Merci, je n'arrive pas à dire la fatiha. Naam. En ce qui concerne de lever les mains toujours après la salat, c'est une bid'a. Naam. Lever les mains pour faire la prière toujours, pour faire les doigts toujours après la prière, c'est une bid'a. Si tu lèves une fois comme ça, tu t'es rappelé une chose, tu as levé tes mains une fois comme ça, ça se fait, ça se fait. Mais si tu le fais toujours, ça devient bid'a. s'il y a quelqu'un qui peut aller à Grenoble et connaît la ruqya et peut aider notre frère, il aura inshallah t'as un grand ajr. Pourquoi? Parce que votre frère ici est malade et il n'arrive même pas à lire la fatiha à cause de sa maladie. S'il y a quelqu'un qui peut l'aider, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man istata'a an yu'ina akha falyaf'al. Quiconque peut aider son frère, qu'il le fasse. Et si on aide quelqu'un, bien sûr, on aura inshallah ta'ala un ajr très grand chez Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un qui peut lui trouver quelqu'un, ou lui donner le numéro de quelqu'un, ou aller lui-même à Grenoble pour lui faire la ruqya. Jazakallahu khayran. Wa comme il fait cela, Allah Azza wa Jal aussi lui ouvrira une porte de l'autre côté. Moi j'ai appris qu'il pardonnait tous les gens qui ont fait du mal, mais un frère m'a dit que lui demander à Allah la force de pardonner, c'est quoi le juste? J'ai pas compris. Moi j'ai appris qu'il pardonnait à tous les gens. Tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont fait du mal, mais un frère m'a dit que lui demander à Allah la force de pardonner. Allah, j'ai pas compris Abou Shema, j'ai pas compris ce que tu veux. S'il y a quelqu'un qui me fait comprendre, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit que lui demander à Allah la force de pardonner. Ça, je n'ai pas compris, barakallahu fik. S'il y a quelqu'un qui peut faire comprendre. Naam. Le hadith de tout à l'heure. Laissons-nous voir le hadith alors. Naam. Ils ont fait. Les gens qui ont fait du mal demandaient à Allah qu'il lui donne la force de pardonner. Non, moi quand j'ai lu ce hadith, j'ai pas fait la remarque à la force a dit de pardonner. Moi je sais que le hadith a dit que c'était quelqu'un qui se réveillait la nuit et que il y en a qui, quand il se rappelait les gens, etc., il leur pardonnait. Il disait Inni samahtu lahum wakadha. Je me rappelle pas yani qu'il y a comme ça dans le hadith qu'il demandait la force. Yani, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la force de pardonner. Avec cette chose, peut-être que le hadith ne devient plus vrai, hein, parce que moi je connais pas cette phrase-là. C'est pour ça que laisse-moi, inshallah ta'ala, la prochaine fois, laisse-moi te donner le hadith exactement ce qu'il a dit. Je me rappelle pas qu'il a dit cette phrase-là. Ah, voilà, toi, tu voulais savoir. Non, moi j'ai pas compris. Moi je croyais que tu voulais parler de, il y a un autre hadith, de quelqu'un qui, la nuit, il pardonnait aux gens. Maintenant, ce hadith dit qu'il demandait la force. Celui-là, je le connais pas. Laisse-moi, inshallah ta'ala, je vais te chercher. Je vais te chercher devant ce hadith. Là, je voudrais savoir. Bon, est-ce que il y a des questions? J'ai pas répondu ici. Non. Tafadhal, Abdelaziz. PV, tafadhal. Où est-ce que tu es, toi? Non, il veut parler où? Dans la salle ou là, comme ça? Donne-lui, il veut. Naam, comment je fais pour le mettre dans le. Là. Comment je fais? Attends, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire, là, parce qu'il n'est pas là. Non, on peut cliquer droit sur son pseudo. Où est son pseudo? Il est ici dans la salle? Est-ce qu'il est dans la salle ici? Où est-ce qu'il est son pseudo? En bas. D'accord, attends, je vais chercher où est-ce qu'il est d'abord. Le troisième en bas. Ça. Additionné par. Tfadal. Maintenant, il est flahar. Il est dans l'akhir, inshallah ta'ala. Jazakallah. Voilà. Abdelghani, c'est toi qui as ta question. C'est une proposition à vous faire, vous gagnez tout, inshallah. J'ai remarqué qu'il y avait des questions qui revenaient souvent la fois du voyage. Le frère qui s'occupe de votre soupe pourrait peut-être certaines réponses. Wallah alam. Naam, je vais mettre, tu as raison Abdelghani, je vais mettre dans le site Inch'Allah Ta'ala quelques, pour ça, des questions et des réponses, Inch'Allah. Naam, Abdelallah 15, attends, je vais terminer, on va parler, Inch'Allah, je vais terminer, on va parler, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il reste 8, on va passer très vite, Inch'Allah, le zinc, t'as pas de mal. Abdelrahman, c'est une bonne idée. Je vais mettre maintenant les réponses, par exemple, dans une rubrique avec la réponse. Qui veut lire là-bas, c'est mieux, yani, au lieu de. Non. Quelles sont les récompenses quand on reste d'une prière à une autre dans la mosquée, attendre la prière Doha à la mosquée après le Fajr? Est-ce que c'est le même statut que le fait d'attendre une salat obligatoire? À chaque fois qu'on reste dans une mosquée, le calendrier de mosquée en France, enfin le pile du calendrier doit attendre quand même que ce soit en commun vu le soir. Non, si tu es sûr qu'ils ont fait la prière avant l'heure, tu es sûr, tu l'as fait avec eux, mais tu la comptes comme nafila. Dans ton cœur, tu dis nafila. Et tu vas à la maison, tu fais la vraie, si tu es sûr. Si tu n'es pas sûr, tu dis peut-être elle est à l'heure, peut-être elle n'est pas à l'heure. Tu l'as fait, tu dis l'intention qu'elle est à l'heure. C'est comme ça. Tant que tu n'es pas sûr, tu dis qu'elle est à l'heure. Mais si tu es sûr qu'elle n'est pas à l'heure, dans ce cas seulement, tu l'as fait nafila avec eux. En ce qui concerne les récompenses de quelqu'un qui reste, il attend une prière, il fait une prière, il attend la deuxième, la récompense c'est que Allah Azza wa Jalla lui écrit que tout le temps il est resté, c'est comme s'il était en train de faire la prière. Voilà la récompense. Tout le temps il reste, c'est comme s'il était en train de faire la prière. Mais pour la salat du Fajr, s'il reste jusqu'à la salat al-Duha, Allah Azza wa Jalla va lui écrire comme il avait fait Hajj wa Umrah, comme il avait fait un Hajj et une Umrah, tamma, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Tirmidhi bi sanad sahih. On fait l'avantage. Naam. Khalid Abu Muhammad, tafaddal. Fika barakallah. Malik 67, tafaddal. Alaykum salam wa barak. Le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, imite un peuple en fait partie. Abu Daoud, je t'en dis pas, est-ce que mettre un jean pour manger avec des fourchettes, ça fait partie des occidentaux? Non. En ce qui concerne quelqu'un qui met un jean là, où il mange avec des fourchettes, celui-là, ou bien, il met dans sa tête que je voudrais faire comme les koufars, je voudrais manger comme eux, avec les fourchettes, etc., parce que c'est bien, parce que c'est démodé de manger avec la main, c'est pas bien, etc., etc. Celui-là, il a maintenant la ressemblance des kofars. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec cette intention. Mais celui qui mange avec la fourchette, avec l'intention que c'est par exemple plus facile, ou là c'est plus simple, ou là c'est plus vite, ou là c'est parce que ça pour ne pas avoir les mains sales, etc., celui-là, il n'est pas rentré dans le hadith. Il ne rentre pas dans le hadith. Pourquoi? Parce que c'est avec quelle intention tu vas faire cette chose. C'est avec quelle intention tu vas faire cette chose. Donc ça dépend de l'intention bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais en ce qui concerne le pantalon pour l'homme, le djinnada, concerne le pantalon, yani si quelqu'un le met, de préférence il met quelque chose dessus. Il met quelque chose dessus pour que quand il marche comme ça de dos, yani, il soit caché. Allah subhanahu wa ta'ala alam. 2006, tafaddal. Fiqh 2006, tafaddal. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Après Mustafa 426, Inch'Allah ta'ala c'est terminé. Après Mustafa 426, Inch'Allah ta'ala c'est terminé. Salam alaikum wa rahmatullah. Akhi fillah, quel est le mérite de celui qui fait le jeûne du mois de Sha'ban? Combien de jours doit-il jeûner? Barakallahu fikum. Naam. Pour celui qui fait le mois de Sha'ban, bien sûr, il y a un grand mérite, d'après le hadith qui dit, mais vous devez tous savoir que le meilleur mois c'est Muharram. Le meilleur mois après le Ramadan c'est Muharram, comme c'est dans le hadith sahih. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup ce mois de Sha'ban. Dans des hadiths il est dit que il a fait tout. Dans d'autres hadiths il est dit que il a fait la plupart. Mais pour nous il est préférable de ne faire que les 15 premiers jours. Pour nous il est préférable, les ulama ont dit, de ne faire que les 15 premiers jours à cause du deuxième hadith qui dit que ne faites pas les 15 derniers jours. Il a dit quiconque veut faire qu'il fasse les 15 premiers jours. Les ulama ont dit donc pour nous, c'est quoi le meilleur? C'est de faire seulement les 15 premiers jours, et on peut faire après les 15 jours si on a l'habitude. Si quelqu'un avait comme habitude de faire par exemple tous les jeudis, tous les lundis, celui-là il peut faire tous les jeudis, tous les lundis, même après les 15 jours. Et celui qui n'a pas l'habitude, il va faire seulement le Sha'ban, il fait seulement les 15 premiers jours. Inch'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Abu Firdaus, tafaddal, barakallahu fik, Abu Firdaus. Um salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'argent d'un fils marié appartient-il à son père, ou qu'en est-il de ses projets, hijra, etc.? Qu'en est-il de ses projets, hijra? Le père n'a le droit de prendre de l'enfant de son fils qu'avec trois conditions. La première condition, c'est que la darar ou la darar, c'est pas il va lui prendre tout l'argent, il va le laisser comme ça pauvre, il va devant les mosquées, dire aux gens, donnez-moi à manger. Mon père m'a pris tout l'argent. Deuxièmement, il doit lui prendre, s'il lui prend, il lui prend les choses qui sont en plus. Il a de l'argent en plus, yani, il lui prend. C'est pas lui prendre les choses dont il a lui besoin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ibda bi nafsik. Il a dit, tu commences par toi-même. Donc le fils commence par lui-même avant son père. C'est pas, je vais lui donner la chose que moi je vais besoin, il va me la prendre. Et la troisième condition, il faut qu'il les utilise dans le halal. C'est pas, il va me prendre, il va prendre l'enfant de son fils, l'argent de son fils, pour je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va faire des choses de haram. Je ne sais pas où il va passer le week-end à New York, il va venir. Je ne sais pas où il va aller. Il va fêter la Noël, je ne sais pas où il va venir. Non, c'est pas pour cela. C'est pas dans ces conditions qu'il peut lui prendre, inshallah ta'ala. Mais avec les trois conditions que je viens de citer. Abu Fouzdou, salam alaykoum, dans le livre, c'est toi, Cheikh Ibn Salah al-Uthaymeen, en question 260. Que dit-on de l'usage du chapelet dans l'invocation mais il est mieux d'utiliser le doigt de l'homme. Cheikh Al-Uthaymeen a dit que c'est permis. Pourquoi dire que c'est une bida? Peut-on encore la définition de bida selon lui-même? Naam, toi, Abu Fouzdou, tu as lu ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen et tu as lu seulement ce qu'il a dit ici. Il a dit ailleurs que Naam, c'est une bida. Il a dit que si on pouvait la mettre, celui qui devait la mettre, il l'a mettait à condition de, il l'a fait seulement pour calculer. Seulement, il dit voilà, maintenant je me trompe, je ne peux pas calculer tout seul, je la mets devant moi, c'est pour calculer, 1, 2, 3, 4. Il a dit, il ne la met pas avec l'idée de quoi? L'idée du din. Maintenant moi je parle des gens qui croient que la subha, c'est du din. Non, là, il ne faut pas faire d'ostentation. Je ne sais pas ce que ça veut dire ostentation. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font le chapelet, pour eux, c'est quelque chose de din. C'est même quelque chose de baraka. D'ailleurs, ils la mettent dans la voiture. Ils la mettent devant le naam. Certains la mettent dans la voiture devant le miroir avec le rétroviseur. Pourquoi? Ils disent, s'il se passe quelque chose, alhamdoulilah, il y a le chapelet qui est avec moi. Et les gens marchent dans la rue comme ça, le chapelet dans la main, devant les gens, regardez-moi, c'est un naam. Maintenant, s'il l'a fait à la maison, c'est juste pour compter. Il dit à chaque fois que je fais, je me trompe. Je la mets pour compter. Dans ce sens, elle est permise. Mais n'oublie pas que Khayrul Hadi est du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu de chapelet. N'oublie pas cela. Moi, si je n'ai pas de chapelet, je suis mieux celui qui l'a. Pourquoi? Parce que, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais mis. Naam, c'est comme tu as dit. Jazakallahu khairan. Ummu Maryam 92. Tafadhali. Salam alaikum, je voudrais savoir à partir de quel moment la femme qui va accoucher ne doit plus faire la salade. Est-ce que c'est après la perte du bouche au muqueux ou la perte des os? Et si elle n'a pas prié avant la perte de ces deux choses, à cause de contraction, est-ce qu'on doit rattraper ces salades? Barakallahu fikum, barakallahu. Naam, jazakallahu khair, Abu Firdaus. Une femme qui va accoucher, arrête de faire la prière juste au moment où elle commence à avoir du sang avec contraction. Naam. Bi talq. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah. Ça veut dire que quand il commence à couler un peu de sang, il s'arrête. Avec cela, elle l'essuie et elle fait la salade. Mais quand le sang commence à couler avec talq, avec contraction, ça veut dire qu'il ne va plus s'arrêter. Celui-là, c'est quoi son délire? Il ne va plus s'arrêter jusqu'à l'accouchement. C'est à partir du moment du sang qui ne va plus s'arrêter qu'elle s'arrête et elle ne fait plus la prière et elle ne rattrape pas. Cette salade. Pourquoi? Parce que c'est comme les menstrues. Quand une femme a les menstrues, elle rattrape pas. Quand elle a les lochies, elle rattrape pas. Donc, c'est pas le sang qui coule et qui s'arrête, mais c'est le sang qui, lorsqu'il commence, il ne va pas s'arrêter. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Oum Zakariya tafadhali. Une sœur qui vous a envoyé une question par un mail urgent. Elle veut savoir si possible de reprendre. De reprendre quoi? De répondre. C'est quoi la question? Peut-être je ne l'ai pas reçue. Oum Abdallah, peut-être je n'ai pas reçu sa question. Parce que maintenant je viens de lire toutes les questions ici. Et les autres, je leur ai envoyé par courrier. C'est quoi la sujet pour, la question? Il faut qu'elle me fasse souvenir, Inch'Allah Ta'ala. J'ai oublié. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle m'est arrivée. Il faut qu'elle me dise qui c'est quoi la question. Oumou Maryam, t'as pas parlé. Oumou Maryam. Oumou Maryam 1. Il reste Mustafa 426. Oumou Maryam 1, t'as pas parlé. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'habitude de m'arrêter à 1h du matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué. Salam alaikum. Il y a un doua au mois de Ramadan après Tarawih. Subhanallah, il faut douce. Peut-on le dire après le 8 chaque jour Barakallahu. Naam, Oum Maryam, on le dit à chaque jour. Chaque jour après le 8, quand tu dis le 8, tu dis Subhanallah Qudus, Subhanallah Qudus, Subhanallah Qudus. Naam, il n'est pas attaché avec le Ramadan. Naam. Oum Zakaria, vous n'avez pas répondu à ma question. Peut-être je ne l'ai pas vu. Où est-ce qu'elle est la question d'Oum Zakaria? Naam, ça, elle est envers, je ne l'ai pas vu. Salam alaikum. Est-ce que les parents peuvent choisir le nombre d'enfants qu'ils désirent avoir ou c'est pas eux de choisir, mais Allah, barakallahu fikum. Naam. Une femme, Oum Zakaria, une femme, quand elle peut, elle essaye d'avoir des enfants au maximum. Quand elle peut. Elle n'a pas de problème, elle n'est pas malade, yani, ils ont de l'espace dans la maison, ils ont assez d'argent, yani, ils n'ont pas de problème. Masha'Allah, si elle peut, chaque année. Maintenant, si elle peut pas, ou là, elle a des mashakoula, elle fait ce qu'on appelle Tandem, elle dit par exemple, bon maintenant, laissons celui-là un peu grandir. Je laisse celui-là jusqu'à ce qu'il grandisse un peu 3-4 ans et je fais le deuxième et comme ça. Elle fait ce qu'on appelle le tandem. Le tandem est permis, ce qui n'est pas permis c'est d'arrêter carrément. Ce qui n'est pas permis c'est de faire par exemple une opération pour arrêter carrément yani, d'avoir des enfants. Mais si elle veut avoir quelqu'un maintenant, elle a dit j'attends un peu qu'il grandisse celui-là, je fais le deuxième, inshallah ta'ala. Il lui est permis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle sache que question de nombre, même si elle choisit, le premier et le dernier, yani la chose revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jalla a écrit qu'ils seront 10, ils seront 10. Si Allah a écrit 1, il ne sera qu'un. Et comme ça, Allah azza wa jalla a'lam. Mustafa 426, tafadhal, on va terminer inshallah avec Mustafa 426. Salam alaikum. Il y a des frères qui font la bise aux filles. Je sais que c'est interdit. Est-ce qu'ils doivent faire l'ouado? J'ai le numéro de Shikar Abdelhadi de la mosquée de la Sunna Marseille pour le frère de l'Ono. Tu veux? Non. Donc ça, c'est pas pour moi. C'est le frère de Grenoble. Pour le frère de Grenoble, tu prends ce numéro, Inch'Allah. 04 91 95 99 62. Quant à ce que tu as dit, il y a des frères qui font la bise aux filles. Je sais que c'est interdit, etc. Premièrement, quand tu as dit il y a des frères, premièrement je te dis ce ne sont pas des frères. Un frère ne fait jamais la bise à une fille. Ça, ce n'est pas un frère. Peut-être, je ne sais pas, il s'est trompé, c'est sa cousine, elle s'est jetée comme ça, je ne sais pas, ça arrive une fois dans la vie. Et celui qui fait la bise comme ça, à chaque fois qu'il rencontre qu'une fille va lui faire la bise, elle a dit ça n'a jamais existé. Il ne peut pas être en même temps un frère et faire la bise. Ça ne marche pas les deux. Ou bien il fait la bise, ou bien c'est un frère. Il n'y a pas les deux à la fois. Ils ne peuvent pas se joindre. Donc, bien sûr, maintenant, s'il fait, bien sûr qu'il a fait un péché. Et un péché qui n'est pas simple. Il a fait un péché. Et il doit faire le repentir. Et question de wudu, son wudu est sahih. Son wudu n'est pas annulé. Son wudu est sahih. Il peut faire la prière avec ce wudu. Mais il a fait, comme je dis, il vient juste d'entrer dans la religion. Ah, voilà, dis-moi comme ça, je comprendrai. Naam, toi tu m'as pas dit cela. Tu m'as dit un frère, moi je l'ai vu déjà dans ma tête ici, avec la barbe qui touche la terre quand il marche, avec le siwak dans sa bouche, et peut-être un revolver dans la main gauche. Comme ça je l'ai imaginé. Maintenant toi tu me dis quelqu'un qui est nouveau, etc. Inch'Allah ta'ala, c'est nouveau, il faut aller doucement, il faut lui montrer petit à petit, jusqu'à Inch'Allah ta'ala qu'il devienne quelqu'un de sunni, etc. Naam, la bouche n'est pas rire. Naam, femme, Inch'Allah, montre-lui, dis-lui qu'il y a un hadith qui dit qu'on doit même pas yani, toucher la main, mais la façon de lui dire, c'est d'attendre le moment, yani, attends le moment propice, quand tu sens qu'il est bien, tu sens qu'il veut apprendre, tu sens qu'il est intéressé, tu lui dis comme ça, gentiment, en riant, en plaisant, ça, femme, c'est pas yani, tu le prends par les cheveux et tu lui dis écoute-toi, espèce de pervers. Je t'ai vu en train d'embrasser une fille, espèce de pervers. Hein? Ah là, je te conseille pas ça, c'est pas de la sunna, c'est pas la sunna ou le jama'a. Alors inchallah ta'ala, essaye d'être sage, essaye d'avoir beaucoup de hikmah pour ne pas le faire fuir, inchallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم le temps est terminé باذن الله نستقبل ان شاء الله le prochain درس je crois que c'est mercredi on se reverra ان شاء الله تعالى maintenant je dois parler avec deux personnes